Bonjour, vous écoutez La Voix des Guerriers. On est on va vous parler de plein de sujets aujourd'hui, mais surtout du UFC 106 qui vient tout juste de se dérouler. Alors, on va en discuter avec mon partenaire Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Salut Ken, une bonne nuit de sommeil après la défaite de Tito Ortiz. Oui, mais je suis très déçu parce que ça allait quand même bien pour moi, puis je me voyais déjà là en haut du classement de ton pari virtuel. J'étais convaincu d'y atteindre parce que tous ceux à qui j'avais mis un peu de crédit là, l'ont remporté, puis de belle manière en plus, sauf Tito Ortiz. Je sais pas ce qui s'est passé. Après le deuxième engagement, je pense que j'étais encore plus confiant, puis je me voyais là, me pavaner en tête de classement. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ortiz a eu un malaise pour le troisième engagement, il n'a rien fait. Et malheureusement, c'est sur lui que j'avais mis le plus de crédit. Alors, c'est pour ça que j'ai pas atteint mon objectif. Puis en plus, Caro Parisian, qui également, c'est lui. Vraiment, j'étais convaincu que Parisian allait remporter son combat. Mais là, il n'a pas combattu, alors je suis un peu laissé pantois, je suis un peu déçu aujourd'hui. Ça va me rappeler un peu mon voyage quand je suis allé à l'UFC 100. J'avais fait un bon coup sur Mark Coleman contre Stephen Bonner à 3 contre 1. Malheureusement, après ça, Frank Mir a tué ma soirée dans les gageures parce que j'avais pris pour Frank Mir contre Brock Lesnar. Ah oui, oh. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas prendre juste des bonnes décisions. Alors, hey, on commence tout de suite là, à parler de cette soirée-là d'hier, c'est-à-dire le UFC 106, puis on va faire le tour de la carte, les résultats. Commençons avec le combat dont on vient juste de discuter, le combat principal de cette carte-là, qui était un combat revanche. Plus Ortiz avait remporté le premier duel face à Forrest Griffin. Les deux avaient des choses à prouver. Griffin revenait de deux défaites. La dernière surtout, là, très amère. Et il a eu l'air un peu ridicule dans son affrontement face à Anderson Silva. Et là, il est remonté dans l'octogone. Il a fait un bon travail. Et face à Tito Ortiz, ça a donné deux excellents rounds et un troisième engagement. Où on n'a pas encore les chiffres, là, mais Tito Ortiz, là, moi je pense dans les 2-3 premières minutes, il n'a absolument rien fait et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, ben comme on se parlait un petit peu avant l'émission, moi je disais que je pense que Tito avait peut-être mal aux jambes. Forrest a pas lancé tellement de coups de pied aux jambes, mais tout d'un coup au troisième round, Tito bougeait plus du tout. Puis il y a le cardio qui est sûrement venu en jeu, mais quand je le regardais respirer, il avait de l'air à bien respirer quand même. C'était plus ses mouvements vraiment qui en arrachaient ou ce que il était pas capable de bouger bien. Alors moi je pense que peut-être les coups aux jambes ont dû faire un peu de dommage aussi au courant du combat. Certainement, puis Griffin a une bonne réputation pour avoir des coups de pied aux jambes puissants et très efficaces, mais quand même, Ortiz, même si ses jambes-là l'ont affecté, semble la meilleure défense contre ça, c'est d'être un peu plus actif pour ne pas laisser Griffin ne pas se mettre comme une cible devant les mains et les jambes de Griffin, qui au troisième engagement. Écoutez, bon, Ortiz lui a servi carrément de punching bag. Et même là, Griffin n'a pas réussi nécessairement à placer des coups extrêmement dangereux. Alors, un bon combat spectaculaire, mais moi, j'ai encore des doutes et sur Griffin et sur Ortiz après cet affrontement-là. Ben moi, tu vois, les deux m'ont quand même un peu impressionné, je dirais. Tito Ortiz est rentré, je trouve, dans la cage avec beaucoup d'énergie. J'ai senti un gars qui voulait vraiment revenir dans les combats. Et comme je disais avant, moi je pense que ça va y en prendre une coupe avant de revenir à sa forme maximum. Il m'a surpris au niveau qu'il a été hier quand même. Je m'attendais à un Tito Ortiz qui en aurait peut-être plus arraché dans les deux premiers rounds aussi. Mais Tito a bien fait dans les deux premiers rounds. Puis pour ce qui est de Forrest, moi j'ai bien aimé aussi le combat de Forrest. Il a combattu intelligemment et il revient sur le chemin de la victoire. C'est le genre de combat qu'il avait besoin, lui, pour remonter sa confiance. Alors ça va être intéressant de voir les deux qui vont affronter dans leur prochain combat. Oui, et Ortiz, là, moi je parlais de sa boxe qui était grandement améliorée. Puis toi, tu nous avais parlé, ben, peut-être après autant de mois d'absence, qu'il manquerait peut-être un peu de synchronisme et tout ça. Je pense que tu avais absolument raison. Puis bon, sa boxe, en tout cas, il a pas démontré grand-chose hier. Je trouvais qu'il était toujours mal placé. Puis bon, c'est un fait que Ortiz, c'est pas le meilleur pour se déplacer, pour utiliser ses frappes. Et hier, il l'a prouvé, il me semble, il n'y avait jamais vraiment le bon angle pour atteindre la cible, des mauvais déplacements. Par contre, sa lutte a été très efficace hier. Puis Griffin a également démontré qu'il était relativement assez facile à amener au sol. Je pense que Griffin, lorsqu'il va affronter d'autres gars aussi solides qu'Ortiz en lutte, et même un peu plus, parce que là, il y en a beaucoup d'excellents lutteurs à 205 livres, Griffin va en arracher. Puis tant qu'à moi, le deuxième round est allé, bon, certainement à Ortiz. Le troisième, ben, c'est sûr, c'était à Griffin, parce qu'Ortiz n'a absolument rien fait. Mais j'ai l'impression que, bon, de toute manière, je pense qu'on s'enligne vers un affrontement entre les deux pour départager tout ça, puisque les deux en sont à une victoire de chaque côté. Toi, est-ce que tu vois un troisième affrontement entre les deux d'un bon œil? Oui, puis je pense que ça va être un excellent affrontement. Ben, je pense que Tito Ortiz va être un Tito Ortiz supérieur parce que je crois dur comme fer, moi, que il faut une coupe de combat. Je le mentionne avec d'autres gars comme Patrick Côté, puis tout, on va en reparler plus tard de Patrick Côté. Mais même lui, j'espère que Michael Bisping, c'est pas un combat trop haut pour lui. Alors, Tito Ortiz, qui a très bien fait quand même pendant deux rounds contre Forrest Griffin, moi, je m'attends à une meilleure performance de sa part, à son prochain combat. Oui, puis moi je suis convaincu qu'il va remporter leur prochain duel parce que ça allait très bien pour lui après les deux premiers rounds. Le troisième, j'ai vraiment aucune idée de ce qui s'est passé. Moi j'étais convaincu qu'il s'était blessé au sol, je ne sais trop, parce qu'au troisième, là, vraiment, là, il s'est absenté totalement. Au début, pendant les premières secondes, je me suis dit, c'est stratégie de troisième engagement, de laisser Griffin l'attaquer, puis lorsqu'il allait avoir une ouverture, de l'amener au sol, puis de garder ses forces pour la fin du troisième engagement. Parce que bon, les juges veulent pas, ce qu'on retient toujours, c'est plus la fin d'un round que le début. Mais Ortiz n'a vraiment rien fait durant l'entièreté du troisième round. Alors, c'est pour ça qu'il a subi la défaite, je pense, par décision partagée quand même. Mais une excellente décision. Mais Ortiz a relativement bien fait pour un retour. Griffin a bien fait, pas si certain que ça. Moi, je suis plus rassuré dans le cas d'Ortiz parce que j'ai l'impression qu'il va revenir en force. Puis Griffin, je suis pas convaincu encore. Moi, je suis convaincu qu'en tous les cas, que Griffin ne reconquerra jamais son titre des 205 livres. Je pense pas qu'Ortiz va l'atteindre non plus, mais je pense qu'Ortiz a des meilleures capacités à l'heure actuelle que Forrest Griffin. Ouais, ben regarde-moi les deux, c'est des combattants que j'aime bien quand même, d'un point de vue surtout spectacle. Les deux attirent les regards des spectateurs. Alors, je vais être intéressé à suivre leur carrière. Puis comme tu dis, moi je pense aussi que Tito est peut-être un peu trop vieux. Il veut revenir champion et comme je dis, il montre beaucoup d'enthousiasme. Ça, j'aime beaucoup ça de sa part. Seule chose, à un moment donné, l'âge va le rattraper comme d'autres combattants avant lui. Et Forrest, lui, ben moi, j'ai été beaucoup impressionné. À savoir s'il va redevenir champion, je penserais pas non plus parce que j'ai jamais été non plus le plus grand fan de Forrest. Mais j'ai vu une très belle amélioration quand même. Alors, la fiche de Tito Ortiz aujourd'hui est de 15 victoires pour 7 défaites. Il a encaissé là une deuxième défaite consécutive et c'est un quatrième combat pour lui sans victoire puisque parmi eux, il y avait un combat nul face à Rashad Evans. Et ses deux dernières victoires étaient face à Ken Shamrock. Alors, disons-le que déjà à ce moment-là, Shamrock était un peu vieux, puis était pas de calibre pour le UFC, je pense. Alors, Ortiz, là, ça fait déjà quelques années. Depuis 2006, je pense qu'il n'a pas fait de très grandes performances, malheureusement. Et du côté de Griffin, bon, on va voir ce qui va arriver pour lui dans l'avenir dans son cas. J'aimerais bien un affrontement à nouveau face à Anderson Silva et voir Forrest Griffin là, repartir en courant. Alors, ben, une belle victoire quand même pour Forrest Griffin par décision partagée, on vous le rappelle, 28-29, 30-27 et 29-28, c'est la décision des trois juges en faveur de Forrest Griffin. Par la suite, Fred, on avait un combat qu'on attendait, je pense, moi et toi, entre Josh Koscheck et Anthony Johnson. Koscheck qui s'entraîne à l'American Kickboxing Academy. Et bon, Anthony Johnson qui s'entraîne avec Kong Li, qui, bon, ce dernier, lui, s'entraîne avec Josh Koscheck dans les camps pour préparer ses combats. Alors, il y avait quand même un lien entre les deux, puis ça a été un combat très intéressant que j'ai grandement apprécié. Moi, je favorisais Koscheck à cause de son expérience, à cause de sa lutte, et ça a été un bon combat. Toi, est-ce que tu as apprécié, parce que je sais que tu es un grand fan d'Anthony Johnson, est-ce que tu es déçu de Zernier ce matin? Ben, moi, non, je suis pas déçu parce que les gars, ils donnent tout ce qu'ils ont. Je pense que Koscheck a montré les lacunes à Anthony Johnson, où on savait pas comment il pourrait réagir, peut-être sur son dos. Et justement, une fois sur le dos, Anthony Johnson avait l'air d'une très grosse tortue musclée, là, mais une tortue tout de même qui pouvait pas s'enlever de sa carapace. Alors, c'est ça, le Josh Koscheck, lui, comme tu as dit, un vétéran. Moi, je suis pas le plus grand amateur de Josh Koscheck, puis c'est surtout par rapport à son attitude que je trouve souvent arrogante et fendante, si on veut. Mais sinon, à part de ça, j'aime beaucoup Josh Koscheck. Il a lancé sa belle droite que je mentionne des fois à quelques reprises, là, puis était vraiment belle à voir. Ça a fait mal au gros Johnson une couple de fois. Oui, puis moi je pense qu'il a gagné le premier engagement là. Mais moi je suis convaincu de ça. Puis en plus avec le point de pénalité à Johnson, parce qu'il a quand même donné un coup de genou là illégal, c'était assez flagrant. Ouais, mais il a Quand même pas je... atteint l'œil, comme Joe Rogan il disait. Comme Koscheck se plaignait d'une blessure à l'œil, mais c'est pas là que ça s'est passé du tout, la blessure à l'œil, parce que Koscheck se plaignait de la blessure à l'œil gauche, puis le genou a à peine frôlé l'œil droit. Oui, non, mais on a peut-être raté quelque chose. Moi, je suis convaincu que Koscheck a vraiment été atteint à l'œil ou il y a eu un malaise à l'œil. Je ne sais pas dans quel mouvement. Parce que, écoute, juste le coup de genou aurait suffi pour que Koscheck décide, aurait pu dire à l'arbitre, je suis trop sonné, puis l'arbitre aurait arrêté le combat, puis Koscheck aurait remporté le combat par disqualification, certainement, là. Je pense en tout cas, moi, j'ai vu des combats là au Québec avec des coups de genou bien moins puissants que ça au sol, puis on avait arrêté le combat, puis on avait disqualifié celui qui avait commis l'erreur. Alors, Koscheck, je pense pas qu'il a feinté une blessure, en tout cas pas. Moi, je Ben, pense je que. sais pas, moi, tu vois, regarde, Joe Rogan le mentionnait un peu durant le combat, puis sur certains angles, le coup de genou semblait puissant, mais sur d'autres angles de caméra, il semblait à peine avoir touché. Alors, qu'il y a eu un impact, puis que c'était un coup illégal, ça, c'est officiel, puis Anthony Johnson méritait de perdre un point. La seule chose, moi, comme je dis, c'est qu'il se tenait l'œil gauche quand c'est l'œil droit qui s'est fait frapper. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Ouais, non, effectivement, peut-être, mais écoutez, c'est sûr que la reprise vidéo nous a donné un bout du coup de genou, mais en tout cas, moi, je suis d'avis que Koscheck a fait un bon travail, a dominé son opposant, même s'il concédait plusieurs pouces, puis Koscheck a vraiment démontré que dans la division des 170 livres, c'est le meilleur lutteur après Georges St-Pierre à l'heure actuelle. Oui, mais une dernière chose sur Johnson, tu vois, moi j'ai mentionné tantôt travailler sur son dos, puis ça, moi c'est un aspect que je regarde souvent pour bien des combattants. Puis je vais sortir un nom comme Brock Lesnar là, il y a beaucoup de gars qui sont bien dominants, mais on sait pas s'ils sont bons sur le dos. Alors Anthony Johnson, on a eu la réponse là-dessus un peu là, une fois sur le dos, il a pas su quoi faire contre Koscheck. Alors il va vraiment falloir qu'il améliore cet aspect-là. Ben justement, un Georges St-Pierre va l'amener takedown après takedown. Oui, mais c'est ça. Puis bon, Brock Lesnar, mais encore faut-il l'amener au sol. Là, je sais pas qui va y arriver là, mais Ben, il ça a va peut-être perdu prendre. une couple de livres, là. Non, ça, Ouais. c'est pas gentil. Alors un bon combat quand même, l'affrontement Koscheck-Johnson. Koscheck l'emporte de belle façon par étranglement arrière. Ça s'est fait au deuxième engagement, à la toute fin du deuxième round. Puis d'ailleurs, au premier engagement, Koscheck a tenté également de prendre le dos de son opposant. Il n'est pas vraiment parvenu à ce moment-là. Mais au deuxième, où Johnson était peut-être un peu plus fatigué, Koscheck a réussi à l'amener au sol, quand même de manière à deux, trois reprises hein, durant le combat, puis de belle façon. Une victoire bien méritée pour sa part. Et grâce à ça, il mérite la soumission de la soirée, qui, tant qu'à moi, aurait dû peut-être aller à Candle Grove, Oui, mais parce quand que même. c'était vraiment une belle soumission, celle de Grove. On en reparlera tantôt. De toutes les beautés. Mais là, c'est Josh Koscheck qui se mérite cet honneur-là, plus le combat de la soirée qui aurait peut-être pu aller Je pense pas peut-être à Griffin et Ortiz, puisqu'il n'y a pas eu de troisième round entre Ortiz et Griffin. En tout cas, on l'a donné également à Koscheck et Johnson. Alors, c'est 140 000 de plus pour Koscheck, puisque c'était 70 000 $ par honneur. Alors, une coquette somme de 140 000 $ plus le salaire, dont on ne sait pas encore le chiffre, mais quand même, c'est très intéressant. Dans le cas de Koscheck, qui a demandé, après son combat, d'avoir droit à un combat face à Georges St-Pierre. Ça, c'est intéressant. Puis, je pense que Koscheck est un vrai défi pour Georges St-Pierre, même si la première fois, Koscheck a perdu avec plus d'expérience, même si Koscheck est plus âgé que Georges St-Pierre, ça va donner droit à un autre bon combat entre les deux meilleurs lutteurs de la division. Oui, ben, je sais pas si tu as eu le temps de voir le plus récent sondage, justement. Je demande sur MMAnouvelle.com à savoir qui devrait affronter GSP le premier. Ça devrait-tu être Koscheck ou Hardy? Puis, à ma surprise, le sondage en ce moment est pas mal serré. Koscheck mène par 55% des votes, mais Dan Hardy a 45% des votes. Ça me surprend. Moi, je pensais que plus de monde aurait voté pour Koscheck. Ah ouais, mais écoute, Georges a le temps de faire les deux, là. Hardy, un petit défi au mois de Un février. combat handicap. C'est ça, deux contre un. Georges, peut-être un petit combat en février, puis il peut clairer ça assez rapidement face à Hardy, et ça nous donnerait au mois de mai au Centre Bell contre Koscheck. Ce serait assez idéal pour dans mon cas. Oui, c'est une belle, un beau plan. Je pense que tu devrais envoyer ton CV à Dana. C'est fait, mais j'attends les réponses. Je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là. C'est un peu lent. Oh là là. Hey, bon, malheureusement, le prochain combat qu'on aurait dû parler était Parisienne face à Azalette, mais si vous ne le savez pas, Parisienne, il n'est pas là, puis il sera probablement pas de retour avec les UFC avant longtemps. Le garçon a encore des petits problèmes là, dans le coco. Alors, souhaitons qu'il va être capable de se rétablir de tout ça, parce que c'est un gars avec plein de potentiel. Mais ce genre de. C'est dommage parce que celui qui est perdant dans tout ça, c'est bon, en plus de Parisienne, mais c'est de sa faute puis de sa seule faute. Mais il y a Dustin Nazalet qui, je pense, a quand même va se mériter d'aller chercher un salaire quand même, là, même s'il fera pas le combat. Mais en même temps, tout ce qui est en entraînement pour rien, ça doit être très décevant pour lui. Ouais, ben Hazlett va recevoir son salaire puis son bonus de victoire et j'espère qu'il veut un combat bientôt. J'espère qu'on va lui donner assez rapidement parce qu'il était déjà en réhabilitation pour une blessure. Pour ce qui est de Parisienne, moi je veux dire que j'y souhaite le meilleur au monde parce que le gars il a vraiment une maladie, il est accroché aux antidouleurs et c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes du genre. Alors je souhaite qu'il trouve vraiment une solution à ses problèmes pour commencer et après ça j'espère qu'on le reverra à quelque part. Quelle douce pensée, mes frères, de cet honneur. Puis il y a John Fitch également, je pense qu'on doit placer dans ceux qui pourraient être qui sont parmi les meilleurs à 170 livres. Mais là, son prochain combat, c'est contre quelqu'un que je connais pas, c'est Mark Pierce, ce sera le 12 décembre prochain. C'est un peu surprenant. Ouais, Ça va. ben, c'est à cause que Thiago Alves est blessé et tout, là, mais ça montre, je pense que la division des 100, plusieurs divisions dans le MMA, là, on a un champion incontesté, si on veut, avec les Saint-Pierre, BJ Penn, Anderson Silva, mais après ça, là, c'est très serré, les gars qui sont en dessous d'eux dans chaque division, alors c'est le fun. Oui, effectivement. Alors, ça, c'est parfait. Mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais bon, suite à la déconfiture de Mike Swick dernièrement, puis j'ai écouté une entrevue sur MMAnouvelle.com de Josh Koscheck, où il discute, puis là, ce qu'il disait hier après son combat, tout ça me laisse à croire que Swick, ben, moi, je pensais déjà ça, là, mais c'est vraiment le troisième du trio là, de l'American Kickboxing Academy. Là. Donc, il y a 370 livres là, fort connus dans l'UFC qui sont dans la même équipe, c'est-à-dire Swick, Koscheck, puis John Fitch. Mais de la manière dont Koscheck en parlait, il me semble que Swick était la proie la plus facile à abattre. Ouais, j'ai été surpris par l'entrevue un peu, mais ça revient à ce que je dis, parce que je trouve que Koscheck est arrogant et fendant. Avec la performance qu'il a faite hier, on n'a pas le choix de le placer deuxième et même peut-être en haut de Fitch, on le saura jamais parce qu'ils s'affronteront pas. Mais moi, je vais revenir au fait justement que l'aspect mental, je mets beaucoup, beaucoup d'importance et on voit pas Georges St-Pierre agir de la sorte. On voit pas Lyoto Machida agir de la sorte. Alors moi, je pense que l'aspect mental, peut-être à un moment donné, Josh Koscheck a besoin de vieillir un peu mentalement, en tout cas. C'est mon opinion. Hey Fred, je te comprends pas parce que t'étais un grand fan des frères Diaz. Oui, mais il y a une différence entre être arrogant et parler avec franchise. Moi, j'aime beaucoup le monde qui vont parler avec franchise. J'ai pas besoin d'être en accord avec quelqu'un. Mais quand je check là, avant son combat justement avec Jantine, quand il disait oh ben l'UFC veut le punir, puis c'est ça que moi je vais faire, j'étais là, aïe, moi j'espérais que Jantine lui en donne une pour le remettre à sa place, mais c'est pas arrivé, qu'est-ce qu'on veut? Non, mais écoute, moi j'aime bien le monde qui ont des grandes gueules quand ils sont capables après ça de répondre. Puis il le fait, Koscheck, hier. Puis en même temps, si ce seraient tous des gars sages et sympathiques comme Georges Saint-Pierre, ça serait des combats un peu plus difficiles à promouvoir. C'est le fun qu'il y ait un espèce de mélange. Puis ça prend des combattants qui ont des personnalités un peu moins agréables. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Puis à Las Vegas, on entendait les huées même à la pesée sous Josh Koscheck. Mais c'est ça qui est intéressant. On veut soit que les combattants soient applaudis ou chahutés, mais faut qu'il y ait une réaction. Les pires, c'est quand il y a de l'indifférence, là, c'est ça, c'est pas payant, mais il faut qu'il y ait des réactions. Puis Koscheck, c'est un des combattants, mais qui attire au moins la réaction du public. Oui, t'as raison. Je me rappelle aussi de ses chicanes avec Diego Sanchez. Et là, dans tout ça, moi, je suis en train de me dire, c'est pauvre Georges Saint-Pierre, parce que toi, on dirait que t'es le président du fan club de Koscheck. Moi, je suis le président du fan club de BJ Penn. Ça va pas bien pour notre Québécois. Alors, j'adore Georges Saint-Pierre, puis je suis convaincu que Georges est meilleur que Koscheck dans toutes les phases du combat. Mais j'aime bien Koscheck aussi, puis je suis assez fier de ma prédiction hier. Mais bon, Johnson a démontré que oui, debout était peut-être supérieur, puis avec sa portée, ça l'aidait également. Mais la lutte de Koscheck a fait toute la différence. Mais tant mieux pour Koscheck, puis Johnson, on va le revoir. Puis également, il faut également dire que Johnson, ça lui faisait deux combats très rapprochés. Un combat qu'il n'a pas eu l'occasion de préparer d'avance face à Koscheck. Deux coupures de poids également rapprochées pour un gars aussi gros que lui, là. Peut-être également qu'il manquait de jus à partir du deuxième round, là, qui sait? Ben, moi, j'aime beaucoup la force de puissance. Quand on regarde des coups de pied à Johnson, il rentre fort, il est gros tout court, alors ça aide à la visualité. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il améliore son ground game. C'est du MMA, alors c'est pas juste debout. Et à 170 livres, il y a beaucoup de gars qui vont être capables de l'amener au sol. Si on pense à Georges St-Pierre, à Koscheck, ou même un Matthews, qui est un vétéran, mais c'est quand même un gars de lutte et tout. Alors Anthony Johnson doit améliorer son ground game. Oui, et poursuivons. Bon, le combat qui précédait qui était avant ces deux combats principaux de la soirée-là était un combat un peu c'était pas le combat de la soirée, c'est-à-dire c'était pas nécessairement les deux gros noms, mais ça donnait un bon spectacle. Que je dirais pour les amateurs de grappling. Il s'agissait de Paulo Thiago qui affrontait Jacob Volkman, que je dois me confesser, je ne connaissais pas avant-hier, mais quand même que j'ai trouvé intéressant. Thiago qui l'a emporté tout de même par décision unanime, une belle victoire pour Paulo Thiago. 30-27 pour deux juges, 29-28 pour l'autre, mais bon. Thiago a démontré quand même des bonnes projections puisque c'était une ceinture noire en judo. Mais je pensais qu'il était supérieur à ça au sol, bon, à cause de sa fiche là, surtout parce que j'ai pas vu tous ses combats. En fait, j'en ai pas vu beaucoup, là. J'en ai vu deux. Et dans le deuxième combat que j'ai vu contre John Fitch également, Paulo Thiago avait été contrôlé tout le combat. Fitch avait remporté le combat assez facilement par décision. Et là, encore une fois, son jeu au sol, oui, c'est un bon grappler, mais il m'a pas nécessairement emballé tant que ça. Puis Volkman a réussi a eu quelques bons moments dans le combat, mais néanmoins, Volkman encaisse sa première défaite, lui qui a 9 victoires. C'était son premier combat dans le UFC et tout chanceux, il était sur la carte principale suite au désistement de Caro Parisian. Et Paulo Thiago également, je ne sais pas si ça t'a surpris, mais il me semble que c'est pas le même gars que contre Koscheck, là, il y a une musculature bien plus impressionnante. Et voilà, moi aussi j'ai remarqué ça. Je suis content que quelqu'un le dise parce que je l'ai vraiment remarqué. Et parce qu'on disait qu'il était pas trop fort, mais juste avant, je voudrais revenir sur Volkman. Tu dis que tu le connais pas. Je vais t'aider à le connaître. Moi, j'ai appris hier avec Joe Rogan qui s'entraînait avec Brock Lesnar et Sean Sherk, mais je pense qu'ils ont pas le même entraîneur de poids. Ça, je suis pas mal sûr. Mais c'est ça, non, Paulo Thiago avait l'air beaucoup plus fort et j'ai été impressionné quand même par Paulo Thiago, mais t'as dit justement les erreurs qu'il a faites, c'est au sol, puis ça m'a surpris aussi parce que je m'attendais à pas je m'attendais, mais il a fait des erreurs quasiment de débutant, on pourrait dire. Il a perdu des bonnes positions et tout, contre un lutteur qui a réussi à renverser, puis à en profiter quand même, surtout au deuxième round. Volkman a connu des bons moments. Alors, c'est ça, moi, j'ai bien aimé le combat. Comme tu dis, c'était un aspect grappling. Il y a eu sans cesse de l'action. Ça revirait un bord puis de l'autre, des transitions. Et au bout du compte, je garde un œil sur Paulo Thiago qui m'a semblé amélioré parce que, justement, contre Josh Koscheck, je considérais ça vraiment un KO chanceux. Pas chanceux, mais que ça arrive, que quelqu'un puisse se faire prendre. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Alors, quand j'étais pas plus impressionné après le combat Koscheck, parce qu'encore plus que ça, il y avait de l'air même stiff debout, je trouvais, contre Koscheck. Il y avait pas de l'air confortable. Que là, hier, il y avait de l'air plus confortable debout. C'est sûr que Volkman, lui, avait aucun talent debout. On l'a vu tout de suite au premier round. Il gardait sa main gauche très haute pour juste se protéger. Mais, c'est ça, comme je dis, Thiago a été impressionnant, puis j'ai bien aimé sa performance, moi. Oui, ce que j'ai aimé le plus, moi, dans le combat, c'est son traducteur, qui est Walid Ismaël. Il avait de l'air méchant. Ah oui, ben lui, il a combattu dans le Pride au tout début. C'est un des fondateurs de la BTT au Brésil. C'est un élève de Carlson Gracie. Il a débuté, lui, avec les frères Nogueira, puis tout ça. Puis il a toujours été un peu agressif comme ça, mais je l'ai aimé. C'est le traducteur le plus coloré de l'histoire du UFC. Ouais, ben avec mes amis, on se disait ça, justement. Il avait de l'air méchant, il devrait combattre. Je me rappelle pas, tu vois, justement, je me rappelle pas de le voir dans Pride, mais c'est bon, merci. Ouais, je me souviens, à un moment donné, il s'est battu contre un Japonais, mais il avait reçu, je pense, des coups, deux, trois coups de pied dans les parties. En tout cas, c'était mal passé, ce combat-là. C'est un gars, ouais, un gars avec un solide background en jiu-jitsu brésilien. Ça a été un bon combat, même si c'était pas le combat qu'on attendait, là. Thiago Volkman, ça nous a donné un bon combat comme ça, tu sais, pour se mettre en haleine pour les deux combats principaux qui ont été très intéressants. Bon, avant ça, il y avait un affrontement. Moi, j'attendais pas le retour, là, puisqu'il n'avait jamais combattu dans la UFC, mais la présence du frère de Nogueira, là, le jumeau, mais celui qui combat dans la catégorie des 205 livres, Antonio Rogério Nogueira, qui a très bien fait. Le gars a 33 ans, mais il a affronté les meilleurs au Pride. Et ça fait quelques années là qu'il végète, qu'il combat, mais pas nécessairement dans les meilleures organisations. Même s'il a combattu pour Affliction à une reprise, sinon c'est dans les quelques organisations un petit peu moins intéressantes. En tout cas, moi, j'attendais de le voir dans l'UFC, puis j'étais très content de le voir hier. Puis une bonne performance, une victoire. Honnêtement, moi, ça m'a surpris, là. Une belle victoire par arrêt de l'arbitre, par TKO, au premier engagement, à 1 minute 58, la boxe de Nogueira lui a servi et il a remporté son combat grâce à ses mains. Oui, ça a été une belle performance. Et moi, j'étais un amateur de Kane et j'ai quand même aimé comment Kane est sorti dans les premiers instants. Il y avait des beaux coups de pied de Muay Thai, mais le combat n'a pas duré longtemps, malheureusement. Nogueira a sonné Kane, puis après ça, une fois que Kane était à terre, il l'a fini assez vite. Alors, Nogueira va continuer à monter. Moi, je pense pas que c'est une si grosse défaite pour Kane, qui avait une très belle fiche et qui perd contre un gros nom. Alors, son prochain combat, Kane, il va être très important pour lui. Il va falloir qu'il se remette sur le chemin de la victoire. Et Nogueira, lui, il mérite un combat contre un des tops dans la division, là, que ce soit un Forrest Griffin ou même mieux que ça. Nogueira mérite un combat contre un des meilleurs à 205. Oh, ben non, j'aime bien Forrest Griffin, je pense, Nogueira. Oh, ça serait très intéressant comme duel. Kane, je sais pas ce qu'il va l'attendre. Il y en a tellement de noms à 205 livres, là. C'est assez facile. C'est pas un gros travail pour faire les confrontations pour être le matchmaker, là. C'est assez facile. Vous mettez à peu près n'importe quel nom, puis ça va donner des combats intéressants. Mais Nogueira, c'est seulement sa 5e victoire par TKO. Lui qui a 18 victoires. Alors, oui, il y a une bonne technique de boxe. On s'en parlait un peu la semaine passée, mais c'est pas nécessairement le gars très puissant, là. Ça prouve là, juste 5 victoires, c'est 18 victoires par KO TKO. C'est un gars qui est solide au sol. J'ai bien hâte de voir son futur. Un gars très solide, on a vu avec lui dans son coin. Son frère, évidemment. Puis Anderson Silva. Puis je réalise de plus en plus qu'Anderson Silva, il est vraiment gros parce qu'il était aux côtés de Nogueira qui est dans les poids lourds, puis Silva avait l'air au moins aussi gros que lui. Oui, t'as raison. Et là, j'essaie de me remémorer parce que hier, j'avais eu une discussion avec un de mes amis justement à ce sujet-là. Et oui, Anderson Silva est un très gros gars. Il me semble, on dit qu'il pèse pas loin de 220 en temps normal. Il combat à 185, mais avec la perte de poids, la déshydratation qu'ils vont faire, il pèse pas loin de 220 normalement quand il s'entraîne. Alors, Anderson Silva, c'est un très gros à 185 livres. Mais Georges St-Pierre, cette semaine, a fait quelques mots là-dessus, justement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui associe une peur, si on veut, à Georges St-Pierre, parce que il avait pas de l'air plus intéressé que ça à monter à 185. Mais là, Georges St-Pierre, cette semaine, je sais pas si tu as vu, il avait dit qu'il était prêt à monter à 185, là, si l'UFC lui demandait. Ouais, ben, je pense que c'est pas de toute manière. Silva, il combat 205 livres aussi. Je vois plus. Moi, il y a peut-être un an, lorsque je faisais une émission avec ailleurs, j'avais hâte de voir ça. J'étais convaincu que ça s'en venait assez rapidement, ce combat-là, entre Silva et Georges. Mais de moins en moins, je pense que c'est peut-être pas la bonne idée pour Georges. Puis Georges l'a dit il y a quelques mois, il disait que c'était un sport difficile, puis avant de monter à 185, il voulait être sûr, puis qu'il voulait pas risquer de compromettre sa carrière, il voulait pas risquer de se blesser. Puis honnêtement, là, je pense Anderson Silva, il est beaucoup trop gros. Anderson Silva, il me semble qu'il y a certains temps, il mentionnait qu'il aimerait peut-être disputer un combat dans les poids lourds face à Frank Mir. Alors, à un moment donné, Silva, il a pas vraiment intérêt à affronter Georges St-Pierre. Puis Georges, évidemment, une victoire, ce serait incroyable, là, mais en même temps, il y a des défis à 170 livres encore pour Georges. Puis il y a des gars qui vont être tellement gros à 170 livres, déjà, comme Anthony Johnson. Il y aura encore des défis intéressants à 170 livres. Puis à 185, ça risque d'être encore plus difficile. Puis Georges est encore jeune. Puis Anderson Silva, moi je l'ai vu hier. Puis là, je me dis qu'il est vraiment gros, là. Il est très talentueux également. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est la bonne solution pour Georges. Je sais pas quoi. Toi, Fred, est-ce que tu penses qu'on va avoir droit à ce duel-là un jour? Un jour, oui, mais je pense que tu as bien décrit la situation en disant qu'il y a d'autres bons combats. Il y a un an, comme tu disais, la situation était différente, là. On faisait monter BJ Penn parce qu'il restait plus personne quasiment déjà à 170 livres. Anderson Silva jouait entre 205 et 185. Que là, en ce moment, il y a un combat contre Vitor Belfort qui attend Anderson Silva. Il y a un combat potentiel contre Nate Marquardt. Georges St-Pierre, il y a des combats contre Dan Hardy puis Josh Koscheck qui l'attend. Alors, il y a des duels intéressants dans leur division. Alors, moi, c'est plus pour cette raison-là. Je vois pas ça pour tout de suite. Et pour un combat, un seul combat, je vois peut-être St-Pierre un super fight monté à 185 si il n'y a pas d'autres combats intéressants à lui offrir, mais c'est pour ça que je dis que ça sera pas pour tout de suite, selon moi. Oui, puis en plus, dans la division, il y a Mark Ward qui est déjà bon, un de ses partenaires, Mark Ward. Alors, Georges, admettons qu'il devienne champion 185, puis je pense pas qu'il aimerait affronter Mark Ward parce que c'est un gars avec qui il s'entraîne. Puis en même temps, là, Georges, c'est un gros 170, mais il y a encore des bien plus gros que lui à 170. Alors, moi, je pense qu'il doit demeurer là, continuer à faire sa petite jobine, puis il y en aura toujours, là. On pense toujours que la vie, la division, puis s'en viennent tout de suite des noms différents, comme Dan Hardy, puis bon, je pense pas qu'il est à la mesure de Georges, mais il va y en avoir d'autres incessamment qui vont être là, puis qu'on va voir comme des aspirants potentiels. Je pense que Johnson, il faut pas abandonner dans son cas, il est encore jeune, il y a des choses à apprendre, mais on a vu que debout, il peut être très dangereux, puis Koscheck, je pense qu'il peut être dangereux pour Georges. Ouais, ben là, je suis en train de me dire pauvre Antonio Rogério Nogueira parce que on parle même plus de lui et puis on parle de notre Georges Saint-Pierre au lieu. Ouais, Mais c'est... ouais, t'as raison, Georges Saint-Pierre, moi, d'après moi, va pouvoir passer n'importe qui. Et juste pour revenir au Nogueira, tu parlais de la boxe de Nogueira et oui, ses coups étaient pas super puissants, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé moi ses déplacements, comment qu'il bougeait. On voyait justement qu'il avait une bonne technique en boxe ou ce qu'il se sentait confortable debout Nogueira. Et parce que Kane aussi est un très bon combattant debout, comme je disais avec son Muay Thai. Et Nogueira a bien réagi. C'était deux gauchers, ça a donné une vision bizarre aussi, je trouvais en même temps. Mais non, Nogueira m'a beaucoup impressionné moi avec sa boxe. Oui, il a fait un beau travail. Alors, j'ai bien hâte qu'on puisse le revoir. Avant ça, ben, je pense qu'on a compris pourquoi Phil Baroni est de retour avec le UFC. C'est pas le Einstein de l'octogone, il faut pas s'en cacher. Il commet toujours les mêmes erreurs. Il me semble que là, c'est peut-être un gars très intelligent dans la vie de tous les jours, là. Mais dans l'octogone, tu sais, il est un petit peu ticlin. Il me semble qu'il a pas évolué depuis qu'il a commencé sa carrière en MMA. Toujours, le gars, il n'a pas de défensive, il va coup pour coup, mais il a du cœur, ça, c'est assez flagrant. Puis, ça a donné un combat spectaculaire face à Amir Sadola. On s'en est donné à cœur joie, on a eu beaucoup de plaisir. Sadola a été mis en danger un petit peu au premier engagement, où on a vu, je pense, Sadola de la misère contre les gros punchers, mais Baroni s'essouffle tellement rapidement qu'après le premier round, les coups de poing de Baroni étaient plus nécessairement très puissants, puis étaient pas là en grand nombre également. Alors Sadola est allé chercher une victoire pour Sadola, non suite à sa défaite face à Johnny Hendricks. Sadola revient tout de suite sur le chemin de la victoire, puisqu'il remporte une décision unanime. 30-27 pour deux juges, 29-28 pour l'autre. Ouais, ben tu vois, moi, Sadola, c'est plate à dire parce qu'il a dominé complètement Baroni, mais il a quasiment descendu un peu à mes yeux parce qu'avant ce combat-là, je gardais beaucoup un œil sur Sadola et Baroni, je le considère pas vraiment un combattant de MMA en 2009. Je trouve qu'il a pas évolué. Alors, Sadola s'est fait atteindre une couple de fois, d'une couple de coups au premier round aussi qui semblait... Je ne sais pas s'il cherchait à aller en clinch absolument, mais une couple de fois, là, il y a des coups que Baroni a donnés qui ont semblé le sonner un peu. Alors, et aussi, ses attaques à lui, Sadola, manquaient un peu de force, je trouvais. Peut-être c'est Baroni qui est vraiment un très dur à cuire puis qui a tout mangé ça, mais il me semble que Sadola aurait dû finir ce combat-là par KO ou TKO. Ses attaques étaient très impressionnantes, mais il manquait un peu de force, il me semblait. Je sais pas si t'as remarqué ça, toi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sadola, de la misère à encaisser, puis je pense que tu as raison, en début de combat, chaque coup de Baroni, puis on voyait Sadola flotter de gauche et à droite. Mais le problème de Baroni, c'est qu'il s'essouffle tellement rapidement qu'après ça, il n'y a plus vraiment de puissance dans ses coups, puis ils sont pas là, il lance plus beaucoup de coups non plus. Et puis en clinch également, Baroni commet toujours la même erreur. Il l'a fait contre Ivan Tanner dans l'un de ses combats, où en clinch, Tanner se régalait à grands coups de genoux et Baroni n'a pas travaillé cette lacune-là. Quand Sadola en clinch, il est allé de coups de genoux, là, c'était assez incroyable. Mais Baroni, beaucoup de cœur, a demeuré debout. Puis effectivement, Sadola, je pense avec ses mains, il frappe pas avec beaucoup de puissance, mais il a quand même de bonnes jambes, a lancé quelques coups de pied frontal, des coups de pied dans les jambes également, qui semblaient assez solides, puis des coups de genoux, puis ça, un coup de genou de n'importe qui, il n'a pas besoin d'être tant puissant que ça, mais c'est toujours très dangereux. Mais Baroni, il les a tous encaissés sans broncher. Yves Lavigne, qui était l'arbitre à ce moment-là, quand même, on a vu là, à partir du troisième engagement, se tenir aux côtés de Baroni, parce qu'évidemment, il aurait pu arrêter le combat rapidement, parce que Baroni, plus de souffle, avait les mains au sol, faisait juste bloquer les coups avec sa mâchoire. Mais l'arbitre n'a pas arrêté le combat, mais on en est venu là quelques secondes près. Ouais, puis moi je vais prendre 2 minutes juste pour me féliciter d'avoir choisi le gagnant, vu que je pense que c'est ma seule prédiction que j'ai eue de bonne. Oui, non, Sadola l'a remporté, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Est-ce que Sadola, je pense, qu'avec ses deux dernières prestations face à Hendricks, face à Baroni, on peut se dire que... Oh, il est pas dans le, il, regarde, il est pas dans le top 10, c'est officiel, et il est pas non plus, il y a beaucoup de noms. Un gars comme Matthews, que je considère plus dans le top 10, je pense que je vais le mettre en haut de Sado là, parce que justement, Hughes est trop fort, je dirais, à première pensée, là. Et il y a beaucoup de gars. Alors, Sado là, non, comme je dis, m'a pas impressionné. Je vais regarder son prochain combat, je vais être intéressé parce qu'il a dominé, mais comme j'en reviens à dire, il m'a paru faible. Alors je pense qu'il va falloir qu'il aille à la même école que Paulo Thiago a été les derniers mois. Ouais. Mais Maroney, quand même, Maroney, là, c'est un gars, maintenant, il a une fiche de 13 et 12, là. C'est pas le plus grand talent. Mais il a donné un bon spectacle. Il m'a pas offert l'entrée que je voulais, là. Je m'attendais qu'il m'amène une couple de belles filles et tout, mais non, il avait de l'air trop sérieux. Ah, quel dommage. Bon, maintenant, avant ça, on avait un affrontement Ben Sanders et Marcus Davis. Et là, on a revu le Sanders des beaux jours. Moi, il m'avait tellement déçu dans son dernier combat face à Mike Swick, où il a eu peur, puis il n'a pas échangé debout. Il a tenté d'amener le combat au sol, alors que sa force est supposée être debout. Sanders avait vraiment mal paru à mes yeux. J'étais vraiment très déçu de ses performances. Et là, face à Marcus Davis, oh, Sanders, là. Te l'a mangé le pauvre Marcus Davis, qui est un encaisseur hors pair, a fait des combats là d'anthologie face à Dan Hardy notamment, puis tellement d'autres combattants. C'est un gars qui a beaucoup de cœur. Mais hier, là, c'était un grand coup de genou dans l'accolade en clinch et Davis là, les a encaissés. Puis à un moment donné, ben c'était plus encaissable pour lui, tomber au sol et une victoire par KO. 3 minutes 24 du premier engagement. Ben Sanders, spectaculaire. Ouais, Ben Sanders, c'est le premier à mettre Marcus Davis KO, comme Sanders le disait après son combat. Et c'était toute une séquence parce que quand on a vu Marcus Davis à terre, il avait vraiment de l'air perdu. Moi, j'aime bien Ben Sanders. Il me paraît j'en reviens à dire ça, que j'aime moi les gars qui sont gros dans une division parce qu'il a de l'air d'un gros 170 livres, mais d'une autre façon, peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de muscles, d'un peu plus de force physique, mais une très belle performance, puis ça va être intéressant de voir contre qui qu'on va le mettre dans son prochain combat, parce que, comme je dis, à la grosseur, la stature qu'il a, il peut faire du dommage. Oui, non, moi j'ai hâte de le revoir contre un Dan Hardy, ce serait intéressant. Les deux aiment échanger debout. Non, j'ai vraiment apprécié ce combat-là. Puis Sanders, je pense, lui aussi, méritait peut-être le KO de la soirée, mais on avait décidé autrement. C'est Antonio Rogério Nogueira qui a remporté le KO de la soirée, mais avec ce coup de genou-là, fracassant. Oh! Une victoire incroyable. Sanders, je vous le rappelle, de l'American Top Team. Est un pratiquant notamment de Jeet Kune Do, là, la méthode de Bruce Lee. Hier, là, il a fait honneur au dragon. Ouais, ben regarde, je suis d'accord moi aussi pour les bonus, comme tu dis, là. Celui-là, puis le prochain combat qu'on va parler, Kendall Grove, là, ça aurait dû être les bonus, pour vrai, parce que c'était vraiment les deux plus beaux moments, je trouve, de la soirée. Oui, mais que voulez-vous? Je pense qu'on a voulu faire plaisir à Nogueira pour son entrée dans l'UFC. Puis lui aussi, quand même, a fait un beau KO. Mais Sanders, ça a été tellement spectaculaire puis violent. Oh, maintenant, oui, on pense à Kendall Grove face à Jake Roushold. Un bon combat. Puis ça s'est déroulé un peu, je pense, comme on en avait un peu discuté la semaine passée. C'est que Roushold, sa force, c'est sa lutte. Mais est-ce qu'il y avait vraiment intérêt à amener Grove au sol? Parce que Grove est quand même solide en soumission au sol. Ben, je pense qu'il nous a démontré que Rusholt, non, il n'y avait pas, peut-être, c'était pas la bonne idée d'amener ça au sol. Puis Grove l'a emporté, une soumission de toutes les beautés. Un triangle, un étranglement triangulaire qui s'est fait avec tellement de rapidité. Tout le monde a resté subjugué et Rusholt a tapé rapidement. Oui, il me semble, la première défaite de Roushold, c'était contre Dan Miller. Et il me semble, si j'ai souvenir, c'était une genre d'erreur similaire aussi qu'il avait faite. Parce que Roushold était dans une bonne position, là. Il dominait, pas il dominait, mais il contrôlait Grove au sol. Et tout d'un coup, Grove a sorti là, un étranglement de nulle part, là. Ma mâchoire en est tombée à regarder ça. J'ai vraiment aimé la soumission. C'était très beau à voir. Oui, ben Grove, je pense, au sol, était beaucoup plus expérimenté puis plus doué que Rusholt au sol. On a vu Rusholt réussir à prendre la position montée. Puis Grove, je pense que sachant que Rusholt était peut-être limité au sol, ben Grove lui a tout simplement donné son dos, lui a offert ça. Rushold a pas réussi à faire quoi que ce soit. Grove a réussi à sortir de cette position-là, de le mettre dans sa demi-garde, puis ensuite dans sa garde, puis ensuite a monté ses grandes pattes, là, parce que c'est un 6 pieds 6, Grove, alors a réussi à tenter de faire soit un omoplata, puis une clé de bras, puis ensuite a tout de suite transigé rapidement en étranglement triangulaire de toutes les beautés. Et Rushold, c'est sa deuxième défaite, les deux suite à des soumissions. L'une était face à Dan Meller, celle que tu nous parles, Fred, c'était par guillotine. Et là maintenant, Grove, étranglement triangulaire de toutes les beautés et une belle victoire dans son cas. Il revient de sa défaite face à Ricardo Almeida avec une belle victoire. Alors, Grove, à 6 pieds 6, dans les 185 livres, va continuer à progresser. Je pense pas nécessairement qu'il peut atteindre bon, si c'est pas du calibre des meilleurs, mais c'est un combattant que j'aime bien. Ouais, ben, ouais, si on regarde le MMA, là, ça revient, il dit souvent en anglais, des styles de match-up un contre l'autre, là, ça peut toujours offrir du beau spectacle. Et Kendall Grove, comme tu dis, un excellent jiu-jitsu et un corps élancé, alors qu'est-ce que tu veux, c'est tout ce qu'il faut, hein? Puis, ouais, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on passe aux autres combats, Ben, Fred? j'allais dire, avant de passer aux autres combats, si on parlait, t'es-tu satisfait d'avoir dépensé 50$ sur cette carte-là, finalement? Parce qu'on en parlait un peu avant la semaine passée, les semaines auparavant. Oui, mais moi j'avais pas de doute à ce moment-là. Puis à ce moment-là, en plus, moi je pensais avoir Caro Parisienne face à Dustin Nazaleth. Puis ça aurait pu donner tellement un bon combat. Moi, Parisienne, je suis un fan de lui. J'ai acheté son livre de technique bon, je comprends rien. Là, mais en tout cas, t'sais, Caro Parisienne, là, je l'aime bien. Là, c'est un style de judo, je pense, le plus approprié en MMA. Puis je trouve il est jeune. Le gars, il a combattu Georges St-Pierre, je pense que. Georges était dans son premier combat dans l'UFC, puis lui peut-être également. En tout cas, s'il était dans leur début, là, c'est en 2004, ça fait déjà plusieurs années. Les deux étaient âgés, quoi, 22, 23 ans. Puis Parisienne, là, est un gars avec beaucoup de talent, là. Peut-être pas comme Georges, mais presque, là. Il pourrait facilement être très dominant dans sa catégorie de poids. Malheureusement, il y a des problèmes des problèmes dans le cerveau, il y a des choses à régler, puis il est encore assez jeune, il est capable de faire ça rapidement, il peut redevenir un jour un combattant sérieux, puis aller chercher beaucoup d'argent, là. Il y a tellement de talent, ce gars-là, je suis un peu déçu de son attitude, et on espère que ça va se reprendre, puis là, je sais même plus c'est quoi ta question, Fred, je m'excuse. Ouais, ben je parlais du pay-per-view, mais à vrai dire, c'est intéressant ce que tu dis sur Parisienne, parce que moi je me rappelle à l'UFC 94, quand il a testé positif pour les antidouleurs, j'avais suivi toute l'histoire parce qu'il y avait Georges St-Pierre en même temps et BJ Penn qui se chicanait à propos de quelque chose, il me semble. Et c'est ça, il y avait en même temps dans les séances avec la commission, j'ai vu ceux de Parisienne. Puis je vais te dire que même à ce moment-là, Parisian m'apparaissait un peu, j'ai pas le bon mot là, mais je vais dire bizarre mentalement. C'est vraiment pas le bon mot. C'est juste comme je dis plus tôt, il y a des problèmes à régler mentalement parce que c'était un peu plus que juste les antidouleurs. À l'écouter parler, il était quasiment à genoux devant la commission à dire que s'il lui donnait une amende, que ça mettrait fin à sa carrière. Et justement, il y a eu des histoires sur cet aspect-là aussi qu'il n'a même pas encore payé l'amende qu'on lui a donnée au mois de janvier dernier pour son contrôle positif. Alors, Parisian a beaucoup de choses à régler mentalement. Et comme je dis, j'y souhaite le meilleur à Caro parce que t'as raison, c'est un style intéressant surtout. Je ne sais pas si je le vois aussi haut que toi, mais comme moi j'ai souvent dit, j'aime beaucoup voir le judo, comment ça transitionne dans le MMA. Et Parisian a un très beau judo et a beaucoup d'autres aptitudes. Alors, on y souhaite le meilleur et on espère le revoir. Oui, le gars a battu Nick Diaz, Matt Serra, Nick Thompson, Drew Fickett. Il a affronté les Thiago Alves. Oui, bon, il a perdu contre lui un peu plus rapidement. Mais il a perdu contre Sanchez, il a perdu contre George. Mais dans les deux cas, c'était par décision. Puis face à Diego, il avait très bien fait. Face à George également. Non, c'est un gars là, vraiment de haut calibre. ici, puis dans son dernier combat, on voyait, il manquait de souffle, tu sais, il y avait vraiment des problèmes, là. J'espère que ça va se régler pour lui, puis pour répondre enfin à ta question, oui, ça méritait 50 $, c'était vraiment un bel événement que le UFC nous a présenté hier soir. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y avait d'autres combats dont on vous parle à l'instant. Alors, on en est rendu à vous parler de. Puis ça, c'est intéressant parce que pour ceux qui ont payé ça là, hier, on a eu droit à voir à peu près tous les combats, sauf celui, je pense, de. Le combat nul, je voulais voir qu'est-ce qui s'est passé, puis j'ai pas encore réussi à voir qu'est-ce qui s'est passé. J'imagine que ils voulaient pas nous le montrer parce qu'ils nous ont montré certains combats 2, 3 fois. Alors parce qu'ils nous ont remontré les combats de Spike TV pendant le pay-per-view, j'étais déçu. Moi, je voulais voir Carl Uno, qu'est-ce qui s'était passé, mais en tout cas. Ouais, des fois, je pense que c'est le timing. Comme le combat s'est rendu à la décision, c'est peut-être un peu trop long pour placer entre deux combats. J'imagine que c'était ça le problème. Alors, commençons par Brock Larson face à Brian Foster. Foster s'entraîne avec Matthews à la Hit Squad. Il a 12 victoires pour 4 défaites. Non, puisque maintenant il a 13 victoires et 4 défaites. Foster l'a emporté de belle façon par TKO à 3 minutes 25 du deuxième engagement. Bon combat. Et Larson, lui, encaisse une quatrième défaite, lui qui a 26 victoires. Avant ça, il y avait également le combat entre Kaol Uno, le japonais, face à Fabricio Camoez. Pour ce qui est de Camoez, c'est son premier combat dans le UFC, à moins que je ne me trompe. C'est une ceinture noire deuxième degré en jiu-jitsu brésilien sous Royler Gracie. Il On dit avait. beaucoup de bien de lui aussi, je le connais pas, mais on dit beaucoup de bien. Je lis souvent des articles à propos de lui. Ah oui, ben, il était sur une belle lancée de 7 victoires consécutives. Et là, bon, c'est un 8e combat sans défaite pour lui, puisque c'est un combat nul. Puis il faut dire également qu'on lui a enlevé un point, puisqu'il est allé d'un coup de pied illégal à la tête de Uno, bon, au sol, j'imagine. C'est un combat que j'ai pas vu non plus. Il y a un juge qui a donné la victoire à Uno, puis les deux autres juges ont donné des combats nuls. Alors, c'est un combat nul par décision majoritaire. La première fois que j'ai su que ça c'était possible, c'était en jouant au jeu UFC Undisputed. Avant ça, je savais même pas que ça pouvait exister une nulle majoritaire. Ouais, ben, honnêtement, moi non plus. Alors, on en apprend des choses avec les jeux vidéo. Il nous reste un combat à discuter, c'est Georges Soteropoulos. C'est un Australien, j'imagine, d'origine grecque. Il a 32 ans. 11 victoires maintenant, puisqu'il a remporté son combat face à Jason Dent. Un bon combat où Soteropoulos, j'ai trouvé intéressant sa boxe debout, frappait souvent au corps. De belle façon, puis au sol également, démontrer sa supériorité et une belle soumission. Clé de bras à 4,36 du deuxième round. C'est tout pour ce UFC 106-là. Je répète le combat de la soirée, Koscheck face à Johnson. Le KO de la soirée, c'est Rogério Nogueira. La soumission, Josh Koscheck pour l'étranglement arrière face à Anthony Johnson. Si Johnson, dans son dernier combat, s'était fait voler le KO de la soirée à cause qu'il n'avait pas fait la coupure, bien là, on lui a redonné un peu ça, je pense. C'est peut-être pour ça on leur a donné le combat de la soirée à Johnson et à Koscheck. Et c'est un 70 000 $ de plus pour chacun des combattants. 140 pour Koscheck, puisqu'il se retrouve dans deux catégories pour les honneurs de la soirée. On a une foule de 10 000 personnes, 529 jusqu'à maintenant, là, c'est pas confirmé, mais ça ressemble à ça, pour des gains de 3 millions au guichet. C'est intéressant, mais quand même, le UFC 100, qui était exactement au même endroit, au Mandalay Bay Center, avait été cherché 5,1 millions de dollars. Alors, c'est quand même 2 millions de plus, mais c'était le UFC 100 également. C'est un gros événement. D'ailleurs, tu y étais, Fred? Oui, au Mandalay Bay, c'est un super de bel hôtel. J'ai été 2 fois à Las Vegas, qui est ma ville favorite au monde. Après Québec. Non, après le paradis. Non, c'est le Mandalay Bay, c'est super beau. J'ai été à l'UFC 94, qui était vraiment mon moment préféré sportif de toute mon histoire. Là, l'ambiance là-bas, mon Ken, c'était incroyable. Et je veux te dire que j'ai plus aimé aussi qui était au MGM. J'ai plus aimé le MGM, qui est juste un peu plus grand. Pour moi, l'aspect que j'ai beaucoup aimé dans ces deux arénas-là, c'est que c'est des arénas d'environ 12 à 13 000 personnes. Moi, qui n'ai pas très riche, j'avais des billets assez loin, mais même les billets loin, dans un aréna comme ça, là, c'est très bien placé. Alors, c'était vraiment incroyable et beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y a également le UFC 86 et 81 qui étaient au même endroit et on avait ramassé 3,3 millions au UFC 86 où la finale c'était Quinton Jackson face à Forrest Griffin. Il faut remonter au UFC 81 pour qu'on ait cherché un petit peu moins d'argent qu'hier au même endroit. C'était Tim Sylvia face à Nogueira. Il y avait Mir également face à Lesnar, leur premier duel où on était allé chercher seulement 2,5 millions de dollars. Alors 3 millions hier, c'est peut-être un un petit peu décevant, je dirais, mais également, il faut mentionner qu'il y a plusieurs combats qui ont été. Ben, le combat de Brock Lesnar qui n'a pas eu lieu, en fin de compte, suite à sa maladie, puis tout ça. Alors, il y a eu un peu de chambardement dans ce UFC-là. Oui, puis là, on va se déplacer bientôt pour l'Ultimate Fighter Finale avec John Jones puis Matt Hamill. Puis après ça, l'UFC 107 avec un combat que j'attends beaucoup, moi, BJ Penn contre Diego Sanchez. Alors l'action continue dans les prochaines semaines, là. Je pense que c'est dans 2 semaines, c'est ça? Oui, dans 2 semaines, le Ultimate Fighter Finale. Alors, on va avoir un samedi de repos pour passer avec vos femmes, messieurs. Oui, ou avec vos hommes élancés, monsieur, ou mesdames avec vos hommes. En tout cas, arrangez ça comme vous voulez, là. On est vraiment en 2009, là, tout est possible. Puis ouais, tu nous parles de la prochaine carte des Ultimate Fighter. Ça va être intéressant. Ben d'ailleurs, là, j'invite les gens, on peut déjà participer au Super Pool, pas Pool, mais le pari virtuel, la création de Fred Garcia. Il y a Matt Hamill face à John Jones et Frankie Edgar face à Matt Veitch. Quand même deux duels intéressants. Hamill face à John Jones, moi, m'intéresse grandement. Moi, aussi, je veux juste dire que j'attends que ça soit confirmé à 100%, mais je vais rajouter aussi Houston Alexander et Kimbo Slice qui devraient s'affronter à cette carte de combat-là aussi. Puis je vais aussi rajouter la finale les deux finalistes une fois qu'on les connaît pour le jeu de paris virtuel. Ah, ça c'est bien fait. Puis tu nous parlais du UFC 107. Toi, t'attends impatiemment BJ Penn face à Diego Sanchez. Ce sera un duel intéressant, mais moi, il y a un autre combat qui m'intéresse d'autant plus lors de cette même soirée-là. C'est Frank Mir face à Cheick Kongo. Oh, que ça va être intéressant. Cheick Kongo, moi, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Florian face à Clay Guida. C'est intéressant. Guida est toujours plein d'énergie. Ton préféré, le Mexicain chaleureux, Paul Buontello face à Stéphane Struve. Écoute, ça a l'air de rien, ce combat-là, mais ça peut être très drôle. Il y a également, bon, par la suite va s'en suivre le UFC 108, ce sera en début d'année 2010 déjà, où il y aura Rashad Evans face à Thiago Silva. Puis je regarde ça. Bon, Gonzaga face à Dos Santos dans les poids lourds, moi, ça m'intéresse également. Ah, as-tu vu, il y a un combat là, que je. Martin Capman face à Rory Markham également lors de ce UFC-là. Oui, il y a plusieurs bons combats à venir. Et aussi, peut-être mentionner, on va en parler plus tard dans toutes les rumeurs, là, mais il semblerait que Georges St-Pierre, c'est ça serait au mois de février son prochain combat ou au mois de mars, un ou l'autre, d'après ce que je peux comprendre. Ah, j'espère qu'on va réussir à placer ça, là. Pourquoi pas UFC 109, 6 février. Anderson Silva puis Belfort, on n'est pas sûr que Silva va être fin prêt à ce moment-là. Ce serait peut-être un bon moment. Juste ce matin, Vitor Belfort a confirmé que Anderson Silva avait signé les papiers pour un affrontement. Il n'y a pas de date de confirmée, mais les deux combattants ont signé les papiers pour un affrontement à venir. Alors, il reste juste la date à mettre sur ce combat-là. Ah, ben, j'espère que plus tôt qu'on va voir Saint-Pierre face à Dan Hardy, peut-être que meilleures seront les chances qu'on puisse peut-être le revoir à Montréal, parce que février, mars, avril, mai, hein, tu sais, ça risque d'être possible s'il est capable de clairer Hardy rapidement. Si vraiment ce sera Hardy son prochain adversaire, là, tout peut tellement changer rapidement dans le UFC. Alors ça conclut les résultats pour ce UFC 106-là, qui, je pense, a été très intéressant. Une belle réussite. Alors là-dessus, on passe avec quelques autres résultats qu'on a pris ici et là, parce qu'il y a eu quelques autres événements dans la dernière semaine. WEC 44, le favori de Fred, l'homme nouvelle Garcia, il nous en parle depuis déjà quelque temps. José Aldo, on l'a découvert pour plusieurs grâce à lui. Et hier, pas hier, mais mercredi, le 18 novembre, il a bien rempli sa tâche. Aldo s'est emparé des titres de la catégorie des 145 livres de la WEC en remportant son combat de très belle façon face à Mike Brown. Ça s'est fait, je pense, un peu comme Fred l'envisageait. Oui, ben ça a été un excellent combat et Aldo continue à m'impressionner, c'est aussi simple que ça. Faut que j'admette que c'est l'amateur en moi qui parle, mais Brown, que je considère un excellent poids-plume à 145 livres, peut-être un des plus forts, a essayé d'amener Aldo souvent au sol et il a pas réussi. Et avant le combat, j'entendais justement Brown parler de ça, que Aldo avait dans toute sa carrière de la WEC seulement été une fois sur son dos. Et Frank Mir l'a dit pendant le combat, c'est à se demander qui va réussir, qui peut amener Aldo au sol, parce que son takedown defense est vraiment, sa défensive là, pour les takedowns est incroyable. Il a un ballon comme, pas comme BJ Penn, parce que BJ Penn a beaucoup de flexibilité, c'est incroyable à voir. C'est un style différent où ce que Aldo est puissant pour arrêter les takedowns. Alors, Aldo aussi, debout, a dominé Brown et Brown a, après le combat, avait pas beaucoup de choses à dire. Il semblait bouche bée. Il semblait comme quelqu'un qui venait de manger une volée. Alors, José Aldo, moi, vous savez que je suis un amateur d'Aldo et je prédis qu'il va garder la ceinture pour longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de monde sur MMAnouvelle.com qui ont mentionné Uriah Faber. Et Faber est un excellent combattant, un style différent, on sait jamais. Mais encore une fois, je vois Aldo supérieur debout. Et au sol, ben le combat, faut qu'il se rende au sol. Je sais que Faber est un excellent pratiquant de jiu-jitsu, mais Aldo, on l'a pas encore vu, mais il est supposément aussi un excellent pratiquant de jiu-jitsu. Alors, ça devrait être un bon combat si ça arrive. 16 et 1 maintenant à l'affiche de José Aldo. C'était sa 9e victoire consécutive. Est-ce que tu penses que Aldo, là, parce que tu nous en parles, puis il est dominant, il est spectaculaire, il est beau, puis il s'entraîne avec Wanye Fabiano, puis Talasetes à la Nouva Uniao. Tout ça, c'est merveilleux, mais est-ce qu'il est assez talentueux peut-être pour un jour de dire je suis tellement fort que je m'en viens dans les 155 livres, puis je vais offrir un défi peut-être pour BJ Penn ou si BJ est encore champion à ce moment-là? Oh, vraiment pas tout de suite. Avant qu'il fasse ça, je le verrais presque avoir les deux ceintures à 135 et 145 parce qu'il peut descendre à 135. Et je vais juste mentionner en disant ça que moi, ça fait longtemps que je le dis, puis je suis un je fais la promotion pour une unification de la WEC et de l'UFC parce que justement, si jamais il y aurait une telle unification, il y aurait beaucoup plus de mouvement entre ces deux divisions-là, où ce que des gars comme justement, on a vu le combat avant Leonard Garcia puis Manny Gamberian, perdraient pas leur temps à 155 livres, ils descendraient tout de suite à 145 livres, parce que en ce moment beaucoup de gars vont rester à 155 pour la visibilité que l'UFC leur offre comparé à la WEC puis aussi les chèques de paye en même temps. Alors c'est ça, moi. José Aldo, oui, un jour, peut-être qu'il monterait à 155, mais je vois pas ça pour tout de suite. Je le verrais plus peut-être descendre à 135. Ben, pour tout de suite, il va rester à 145. Il y a plusieurs combats sûrement à venir, que ça soit avec Faber ou peut-être un combat revanche avec Brown. Mais dans l'éventualité où ce qui clairait toute la division, je pense que ça serait plus logique qu'il aille chercher la ceinture aussi à 135 livres dans un super combat ou de quoi du genre. Oh, alors ben ça c'est merveilleux. Il y a Manvel Gabarian, lui qui a mieux fait que son cousin parisien, qui doit être chez lui en train de prendre des petites pilules, malheureusement. Et soigné, espérons que ça va bien se poursuivre pour lui. Alors Gabarian a remporté son combat. C'est merveilleux. Alors. Moi, je veux juste dire sur ce combat-là, Gambarian, là, 5 pieds 6, je pense qu'il mesure, là, mais il est fort, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Frank Mir le décrivait comme un tank, puis c'est vraiment la meilleure description parce qu'il est raide. Moi, j'ai beaucoup aimé le combat contre Leonard Garcia. C'est sûr qu'il faut être amateur de l'aspect grappling et tout, mais justement, Gambarian a contrôlé Garcia tout au long, là, au sol et. J'ai beaucoup aimé la performance de Manny Gamberian, qui est tout petit, sauf 5 pieds 6. Je me demande s'il pourrait pas descendre quasiment jusqu'à 135 livres. Oh, 5 pieds 6, Honnêtement, je suis surpris qu'il dépasse. Je le pensais encore plus petit que ça, Ça se peut que ça soit plus petit que ça, là. C'est ça que je me rappelle qu'ils ont annoncé, mais ça se peut qu'il soit vraiment plus petit que ça. là. Honnêtement, et puis j'ai pas vu les combats, là. Fait que, juste ça comme ça, de souvenir, là. Pour moi, c'était plus un 3 pieds 2, mais tu sais, je n'ai pas vérifié. Il y a Rob McAuliffe, lui, qui a subi la défaite par la décision partagée face à un dénommé Karen Darabedian, un Arménien d'origine. Quelque chose à dire là-dessus? Ben, le premier round a été super bon. Darberedian, que je viens de maganer son nom, a sorti au premier round, surprenant, parce que McCullough, c'est un pratiquant de Muay Thai, et en tout cas, son opposant, son adversaire, il l'a magané une couple de fois avec ses poings, puis c'était vraiment beau à voir. Mais tout d'un coup, dans les autres rounds, on dirait qu'il est devenu plus nerveux. Faudrait que je retourne dans mes notes, mais moi, je suis pas mal sûr, j'avais donné 2 rounds contre 1 à McCullough. Alors, c'était un excellent combat debout quand même, beaucoup d'action, et les gars ont montré beaucoup de courage. Ah, alors c'est pas mal tout, je pense, pour la WEC. On n'y va pas avec les autres résultats. À moins que tu veux nous parler d'un autre combat en particulier. Non, c'est correct. Peut-être mentionner que le prochain gala, c'est le 19 décembre. Ça va être Donald Cerrone contre Ed Ratcliffe. Ed Ratcliffe, je le connais pas vraiment. Je sais pas si toi, tu le connais. Ah non, pas du tout. Alors, c'est ça. Ça va être Donald Cerrone, Ed Ratcliffe. Il va avoir une couple d'autres combats, là. J'ai oublié. Je les ai plus devant moi, mais on va vous en reparler. De toute façon, il reste 3 semaines, 4 semaines avant que ça arrive. Alors, juste avant Noël, la WEC, qui a un gala la même journée que Strike Force. Strike Force, eux aussi, offrent un beau gala cette journée-là. Sûrement plus beau, même, je pense. Oh oui. Il va avoir King Mo, il va avoir Kung Lee, il va avoir sûrement Robbie Lawler, alors, Matt Lin-Lin, Jacare Souza. Alors, ça va être un beau gala de Strike Force, sûrement eux autres aussi. Oui, puis on a des résultats également mentionnés du Strike Force Challenger. Il y avait Kim Couture face à Kerry Vera. Bon, ça intéressait pas. Je sais pas si tu as vu les photos de la pesée. Non, c'est ça qui. Ouais, c'était quand même très beau à voir, je te conseille d'aller. Des deux côtés. Ouais, je dois admettre que l'ex à Randy Couture, elle me fait sourire. Ah, ben écoutez, je pense que le combat se passait là. Vera l'a emporté par TKO à 3:35 du premier engagement. Et bon, Vera, je pense à l'instar de Brandon, son conjoint, sa spécialité, c'est le Muay Thai. Et ça en est servi pour, je pense que si Couture, on l'avait à Fonto présentement, ce serait peut-être un petit peu moins joli. Du côté de Tyron Woodley, il a défait Rhodey Beers par arm triangle, par étranglement triangulaire avec les bras, à 2 minutes 52 du premier engagement. Ça, c'était un combat dans la galerie des 170 livres et c'était le combat principal de la soirée. Woodley va donc chercher sa cinquième victoire, sa cinquième par soumission. Fiche parfaite dans son cas. Puis Rhodey Beers, c'est une fiche maintenant de 10 victoires et 4 défaites. L'autre combat dont je veux vous parler lors de cette soirée-là, c'est Aaron Rosa face à Rafael Cavalcante. C'est ce dernier qui l'a emporté, lui qui s'entraîne avec les frères Nogueira. Cavalcante porte sa fiche maintenant à 8 victoires et 2 défaites, puisqu'il défait Rosa qui avait une fiche de 12 victoires et 3 défaites. Et tu nous parlais du prochain Gross Strike Force. Ça va être l'événement de Noël le 19 décembre. Un beau cadeau. Kong Lee face à Scott Smith, ça sera spectaculaire. Ronaldo Souza face à Matt Lindland, ça va être intéressant. Lawler devrait être là, tu l'as dit. King Mo Lawal face à Mike Whitehead. Écoute, on va pouvoir un peu mieux juger, je pense, Mohamed Lawal, qu'on appelle King Mo. Oui, ben ça va être, je pense que c'est un bon adversaire parce que beaucoup de monde aime King Mo, qui est un jeune qui a 5-0, 6-0, je suis pas sûr. Mais c'est ça, je pense qu'il faut pas non plus s'emballer trop vite. Puis Mike Whitehead, qui est un vétéran, un très bon adversaire, c'est une bonne progression d'adversaire pour King Mo. Et s'il sort gagnant après ça, un plus gros combat, un après l'autre, ça peut être intéressant pour un jeune qu'on dit beaucoup de bien, King Mo. Puis que Oui. à chaque fois que je l'ai vu, il est impressionnant. C'est sûr que c'était pas peut-être contre les meilleurs à chaque fois, mais non, c'est tout un athlète surtout. Alors C'est ça, un bon athlète, un bon lutteur. Il est jeune, je veux dire, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en MMA, mais je pense qu'il est à la fin vingtaine quand même. Un gars d'expérience, si je ne me trompe pas. Puis bon, parlons peut-être de la possibilité de d'autres combats. Mais Josh Thompson qui pourrait enfin affronter Gilbert Melendez. Ce combat-là a été reporté à plusieurs reprises à cause des blessures de Thompson. Puis le conjoint de Madame Santos devrait également faire partie de la carte. Oui, ben Thompson Melendez, ça fait longtemps, comme tu dis. Puis moi, depuis un bout, ce que j'ai vraiment hâte, c'est voir Shinya Aoki dans Strike Force. Alors, au dernier Strike Force, il était au bord du ring à regarder l'action, puis il a fait quelques entrevues. Alors, j'espère vraiment qu'on va voir un Shinya Aoki en Amérique dans un gros combat, que ce soit contre le gagnant de Thompson Melendez ou ça serait sûrement le meilleur combat, mais j'ai pas d'autres poids légers là, qui me viennent en tête qui pourraient peut-être offrir un bon duel, là, à moins que toi tu penses à quelqu'un. Mais c'est ça, Shinya Aoki, j'ai hâte de le voir en Amérique. Oui, bah certainement. Moi aussi, j'aime son style. Écoute, le gars, il a réussi un gogo plata, je pense. C'était face à maudit, je me souviens plus de son nom, là. Il vient de le battre à nouveau, en tout cas. Hansen. Ouais, Joakim Hansen. Ça, c'est le genre de soumission là qu'on voit juste dans les films. Alors, Shinya Aoki, là, j'ai hâte de le Comme voir. Nick Diaz avait fait un peu à Gomi. Ah, tu vois, je l'ai pas en mémoire, mais. Ah non, mais Nick Diaz, il a pas soumis Gomi. Nick Diaz avait remporté son combat, puis ensuite, je pense, on avait renversé la situation Ouais, cause mais de match. c'est. Voilà. Ouais, Il n'y a pas eu. il avait soumis Gomi. Ah oh oui, par Gogo Plata. Ah, Ouais, tu vois. en plein milieu du ring, là, pendant que son œil était bien magané, il avait surpris Gomi. Il faut que j'aille revoir ça à l'instant, en Et même en temps. passant, là, ça se peut-tu enlever une victoire pour quelque chose comme une coupe de plantes? Ah, moi, je suis. Ben, bon, faut dire au Japon, là, on a des soupçons qui Non, pourraient mais ce m'ouvrir la combat-là porte. avait lieu en Amérique. C'était un gala Pride qui avait lieu en Amérique. Il y en a eu une coupe. Il me semble que c'était à Los Angeles ou à Las Vegas qui avait lieu celui-là. C'était dans les derniers galas de Pride. Est-ce que c'est lors du même événement que Royce Gracie avait affronté Sakuraba pour le combat revanche? En tout cas, Je pourrais pas ah. te dire pour sûr, mais je sais que le combat, c'était parce que c'est la commission athlétique du Nevada. Il me semble qu'il avait suspendu justement Nick Diaz à cause de ce test-là. Ah, ben, tu vois, moi qui avais des soupçons contre les Japonais qui auraient peut-être trafiqué, mais tu vois, ah, ben là, regarde, C'est ça me parce que c'est rassure. où ce que le combat a lieu, faut pas oublier. Alors même si c'est Pride FC, s'ils viennent avoir un combat Ouais. ici pour être légal, il faut qu'ils suivent les règlements. Ben, regarde, c'est intéressant que tu apportes ça. Fait que, mais moi, là, moi, je suis d'accord. Écoute, quand c'est illégal, Nick Diaz a triché, puis c'est comme ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je sais qu'on n'est pas du tout d'accord là-dessus, mais c'est pas plus grave que ça. Une petite pause. Moi, je vais essayer de voir le Gogo Plata contre Nick Diaz. Je vais me réjouir, puis vous, vous êtes pris avec une petite musique douce et légère. Vous écoutez toujours La Voix des Guerriers, l'émission hebdomadaire qui traite des, du MMA international. Et là, je reviens. J'ai eu l'occasion pendant que vous écoutiez de la douce musique bien coquine d'aller voir le Gogo Plata magnifique de Nick Diaz face à Gomi. Franchement, de toutes les beautés. Mais Gomi est tombé là-dedans comme un enfant d'école. Je pense que j'ai jamais vu un Gogo Plata être placé de manière aussi facile, là, avec toute aisance et sans vraiment beaucoup de travail. De toutes les beautés quand même pour Nick Diaz. C'est le Jiu-Jitsu de Caesar Gracie à son meilleur. Oui, franchement, là, c'est fantastique, là, bien exécuté. Avant qu'on passe au bloc nouvelle, Fred, hier, j'ai remarqué sur Spike TV, lorsqu'on a présenté le combat de Larson face à Foster, notamment, pendant les combats préliminaires, il n'y a personne dans l'assistance. Hein, je ne sais pas si c'était comme ça, toi, lorsque tu es allé voir ça au UFC 100 puis au UFC 94, je pense. C'était à l'UFC 100, c'était pas si pire. La foule était présente très de bonne heure. À l'UFC 94, oui, il y a eu beaucoup de combats où c'était vide au début. Et encore plus décevant, c'était à l'UFC 83 à Montréal, où le premier combat de la soirée était Jonathan Goulet, puis il y avait à peu près personne dans la foule. Ça, je me rappelle, c'était bien décevant. Peut-être c'était une erreur de l'UFC de mettre Jonathan Goulet comme premier combat, mais d'une façon, l'UFC voulait sûrement attirer le plus de monde possible de bonne heure pour acheter des bières à 9,75. Alors, ça n'a pas marché, sauf. Colin, c'est quoi le il me semble que tu t'achètes un billet pour le UFC, ça doit coûter la peau des fesses et comme il y a des bons combats en sous-carte, là, c'est pas comme une carte de boxe, là. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Je suis surpris à chaque fois que je vois ça et déçu également. Et puis, avant qu'on passe au bloc de nouvelles, j'ai également Yves Lavigne, l'arbitre québécois, était là hier. Puis, souvent, je mentionne quand les arbitres font des erreurs et tout ça. Mais hier, je pense qu'on peut féliciter Yves Lavigne qui a fait du très bon travail. Il a été très alerte, notamment face dans le combat de Larson face à Foster. Franchement, il a tout vu ce qui se passait bien comme il faut. Larson a fait deux fautes hier, un coup de genou au sol, puis un coup de pied également dans la figure de son opposant au sol. Puis à chaque fois, Yves Lavigne a arrêté le combat tout de suite, il a tout de suite vu la faute. Le coup de genou, il était appliqué alors que Foster avait encore un troisième, puis même, je pense, quatre points d'appui au sol. Puis Lavigne a bien vu ça, puis il a arrêté le combat également exactement, je pense, au bon moment. Alors, bon travail pour l'arbitre québécois. Je pense qu'il représente bien, qu'il nous représente aussi presque aussi bien que Georges Saint-Pierre dans le UFC. Ouais, ben Yves Lavigne, moi, c'est un... Moi, je le dis toujours, c'est comme ça. Je mets les arbitres. J'ai John McCarthy numéro un, simplement parce que il a beaucoup d'expérience. Et après ça, il y a un groupe que j'aime beaucoup. Yves Lavigne, Mario Yamazaki et Herb Dean sont sûrement les trois autres que j'aime beaucoup. Et après ça, il y a Mazegarty que lui, j'aime pas en tout. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Maintenant, le bloc MMA nouvelle, on veut savoir ce qui se passe sur la scène internationale. Lorsque vous voulez savoir ce qui se passe, on s'adresse à une personne. C'est l'homme nouvelle lui-même, Frédéric, l'homme nouvelle Garcia, qui va nous entretenir dans les prochains instants de ce qu'il faut savoir dans le domaine du MMA. Alors, Fred, à toi la parole. Ouais, ben, on va commencer avec le champion poids lourd de l'UFC. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse en disant quand j'écris mes textes, là, je dis toujours que Brock Lesnar est champion de l'UFC. Et quand je parle de Fedor, je parle du grand champion poids lourd. Alors, juste une petite parenthèse là-dessus. Mais Brock Lesnar, malheureusement et heureusement, il est malade, mais ça semble aller mieux son affaire. Il y aurait eu un trou dans l'intestin. J'ai plus le nom exactement de la maladie qu'il y a eu. Et il a eu besoin d'une opération d'urgence. Alors, Brock Lesnar, en ce moment, si on se fie aux paroles de Dana White, on dirait que c'est très, très, très sérieux. Et si on se fie aux paroles de son entraîneur, Greg Nelson, et de d'autres personnes de son entourage, on dirait que c'est peut-être un petit peu moins sérieux, mais tout de même une grosse opération qu'il vient de subir. Alors, il va falloir garder un œil, voir si Brock Lesnar va revenir tout court, parce que cette question-là n'a pas été répondue encore, à savoir si Brock Lesnar va combattre encore. Alors, on attend ça, les nouvelles, avec impatience, mais il y a déjà quand même des poids lourds, là, qui peuvent nous divertir entre-temps. Et puis, je pense qu'on est sur la bonne piste lorsqu'on a parlé qu'il allait y avoir un titre intérimaire. J'ai bien hâte entre qui ça va être disputé. J'imagine que ça sera entre Velasquez et Carwin. Ouais, ben c'est vu que Shane Carwin était supposé avoir sa chance face à Brock Lesnar, il me semble que c'est normal qu'il soit de ce combat-là. Mais là, Shane Carwin a un enfant qui s'en vient dans les semaines à venir et aussi il a subi une opération. Alors Shane Carwin serait pas disponible genre avant le mois de février, d'après ce que je peux comprendre, ou même un petit peu plus tard. Alors il va falloir garder un œil là, voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça, voir combien de temps Brock Lesnar il va manquer, parce que il y a certains entraîneurs de Brock Lesnar qui ont dit que ça serait juste un 6 mois qui manquerait. Alors on va voir, faut garder un œil sur toute cette histoire-là. Alors, aussi, Ken, il y a eu une autre nouvelle vis-à-vis justement les poids lourds. Antonio Rodrigo Nogueira qui s'est retiré, on en a parlé la semaine passée. Ça fait que l'UFC 108, le combat principal, ça va être Rashad Evans contre Thiago Silva. Est-ce que ça te semble être à date un gros combat, ça, pour un pay-per-view? Je sais pas, Thiago Silva, je pense qu'il va se faire détruire, là. Rashad Evans va remporter le combat. Evans, il est bien meilleur, je pense, que son collègue et grand ami Keith Jardine. Et non, je pense que Silva, je le trouve bien arrogant lorsqu'il remporte ses combats. Moi, j'aime les gars qui sont arrogants avant les combats, comme Koscheck. Mais lorsque tu bats ton adversaire, là, j'aime pas les gestes parfois de Thiago Silva. Non, je me trompe tout le temps Un avec petit Thiago peu Alves. trop de Thiago, puis de Silva, puis d'Alves, puis tout. Ouais, non, mais j'ai pas aimé son geste face à Keith Jardine après sa victoire, face à qui également il avait fait le coupe-gorge, son chose, tout ça, là, déplorable. Ouais, ben regarde, moi je vais commencer en disant que Thiago Silva, je pense qu'il y a beaucoup d'attention, mais son seul gros combat que je considère, c'est contre Machida, puis il l'a perdu. Toutes ses autres victoires, c'est sa seule défaite, mais tous les autres combats, Keith Jardine, moi, c'est pas l'élite à 205 livres, c'est même pas un top 10. Alors, c'est ça, Thiago Silva, c'est un gros combat pour lui que je regarde contre Rashad Evans, parce que de la même façon, moi, je suis pas non plus le plus grand amateur de Rashad Evans. Oui, je reconnais qu'il est plein de talent et tout, mais je pense qu'à 205 livres, il y en a des meilleurs que Rashad Evans. Alors, Thiago Silva, s'il veut monter, il va falloir qu'il remporte ce combat-là. Mais à première pensée, je vais pencher vers Rashad Evans, justement, qui a plus d'expérience. C'est une meilleure équipe, je pense, autour de lui pour se préparer et tout. Alors, mais ça devrait être un combat intéressant. De là à dire que je voudrais payer 50 $ pour ça, c'est peut-être un peu beaucoup, je trouve, à date. Ouais, mais c'est deux camps quand même intéressants. Silva de l'American Top Team, Evans avec Jackson, évidemment. C'est deux grosses équipes. Mais il y a d'autres combats. Effectivement, là, je regarde la carte plus précisément. Puis effectivement, là, 50$, surtout pendant la période des fêtes où, tu sais, il faut quand Faut même. On a acheter des un beau familles. cadeau à nos enfants, c'est pas mal important. Effectivement. Puis moi, mon garçon, il n'est pas assez vieux pour que je lui offre le UFC 108 sur pay-per-view. Non, Tu sais, moi, il regarde avec moi des fois. non, ben c'est moi, je suis un peu plus réticent. Des fois, je regarde ça, tu sais, des combats. Je lui montre des combats, mais dont je sais un peu comment ça se passe, là. Des combats un peu plus techniques, je dirais, Moi, là. je vais pas. Ben, je vais peut-être faire une petite parenthèse, pourquoi pas, je fais ça souvent. Mais moi, j'ai amené mon fils 2 fois à l'UFC à Montréal, et les 2 fois, c'était super, super, super, super incroyable. À l'UFC 83, j'ai pensé, après l'UFC 83, d'y mentionner, de pas le mentionner à l'école, s'il vous plaît. Et il l'a pas mentionné à l'école, et ça a super bien été. Il avait 9 ans à ce moment-là. J'ai pas de honte à l'admettre. L'année passée, il avait 10 ans, puis je l'ai amené au UFC, puis c'est encore super bien été, mais j'ai pas pensé de lui dire de pas le mentionner à l'école. Et ce coup-là, il l'a mentionné à l'école, et le professeur, elle, a pas trouvé ça aussi normal. Non, non, mais non, je veux pas juger, là. Honnêtement, là, tu sais, c'est un beau sport, moi, j'adore ce sport-là. Puis honnêtement, non, j'ai aucun problème, là. Tu sais, on connaît tous son enfant mieux que quiconque. Si tu sais comment ça se passe avec ton enfant, si tu le connais, puis moi, parce que mon fils, il aime pas ça tant que ça, là. Tu sais, je pense, il aimerait pas voir quelqu'un se faire blesser, il triperait pas trop. Il tripe pas tant sur ce sport-là, mon garçon. Quand je monte des combats, là, c'est des combats plus techniques, mais aucun problème, là. Mais ça n'est pas de ton enfant, mais à moins que ton enfant soit hyper violent, puis qu'après avoir ça, ça lui monte à la tête, puis le lendemain à l'école, il écrase. Non. Il fait de ses collègues d'école toutes des tâches à marde, là. Ouais, non, ben regardez, moi, je vais dire juste ma vision, en tout cas, du MMA, puis j'en ai débattu avec beaucoup de monde, que pour moi, c'est pas un sport beaucoup plus différent que n'importe quel autre sport. Et regardez, je vais arrêter de faire peur à tout le monde et juste dire que quand je regarde ça avec mon gars, je suis pas là à dire, hey, regarde le KO, regarde-les, comment qu'il est magané. Mais non, non, c'est plus vraiment comme un sport, comme si on regarderait un match de hockey ou quoi que ce soit. C'est une belle expérience quand même. C'est sûr qu'il faut prendre le temps d'expliquer et tout, les différences. Et aussi de prendre le temps de mentionner, parce que moi je vais prendre toujours l'aspect du respect qu'on retrouve dans le MMA pour lui montrer en même temps une leçon de si on veut, cette idée-là, d'avoir du respect pour le monde. Ah, oh, ben ça, c'est bien beau. En passant, pour le reste de la carte, le Tyson Griffin face à Jim Miller. Jim Miller, je l'aime bien quand même au sol, il est assez intéressant, mais comme deuxième combat à date, c'est un peu sec. Il n'y a Paul. pas. Ben, c'est Dos Santos contre. Ouais. Gonzaga, ouais, ça m'intéresse effectivement. Là, ça, je pense que c'est le combat qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Carlos Condit face à Paul Daly. C'est un peu sec ça aussi. Il y a le Canadien Sam Stout qui va y être. Mais ouais. C'est ordinaire à date, comme Ouais, carte, puis effectivement. on s'approche aussi, parce que si on veut, d'habitude, les combattants ont 8 à 12 semaines d'entraînement, puis là, on est à peu près, je dirais, à ça, 12 semaines de la carte de combat. Alors, faudrait qu'on commence à savoir c'est quoi les combats exactement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont officiels. Et pour le moment, on dirait que ça va être un pay-per-view, alors ça va être intéressant. Mais si on passait peut-être le 11 janvier, il y en a un gala qui va être présenté gratuitement sur Spike TV. Ça va être l'Ultimate Fight Night, ça va être le 20e. Malheureusement, je suis un peu déçu à date des deux combats qu'on nous offre comme main event, si on veut. Ça va être Nate Diaz contre Gray Maynard. Ça, c'est un bon combat que je suis content. Mais l'autre combat en demi-finale, Efren Escudero contre Evan Dunham, je trouve que c'est pas digne d'un combat demi-finale. Premièrement, j'espère que Escudero, sans être méchant, va se rendre jusqu'au combat. Et c'est ça, c'est un peu décevant, je trouve, comme deuxième combat qu'il nous offre pour cette carte-là. Mais Escudero, je pense qu'il a fait son cours. C'est pas le Philippe Norveux qui a eu des problèmes de Ah oui, santé? excuse-moi, ben oui, je me mélange. Ah, t'as raison, je m'excuse. Aïe, aïe, je suis méchant. Ah, mais c'est pas grave, lui aussi, il semblait pas en très grande forme. Je pense qu'il a gagné, mais quand même. En tout cas, ouais, c'est un Ultimate Fight Night aussi. Là, fait que, tu sais, faut pas capoter là-dessus. Là, c'est jamais nécessairement si intéressant que Ben, ça je sais non plus. pas. Des fois, je me rappelle, moi, des bonnes années où ce qu'on avait des combats avec Diego Sanchez et tout. Anderson Silva, Oui, exactement. parce qu'on y avait, je pense qu'on voulait mettre quelque chose dans les roues d'Affliction à ce moment-là. C'était la Ouais, même journée que, ouais. peut-être, mais là, on est toujours sur Gray Maynard et Nate Diaz. Ça fait beaucoup de Gray Maynard et Nate Diaz que je suis content qu'ils s'affrontent un contre l'autre. Mais Maynard est je suis un grand amateur de Diaz, mais je pense que Maynard est plus haut dans la hiérarchie des poids légers. Alors, ça va être un combat intéressant, mais à part de ça, c'est ça, il n'y a pas grand-chose sur cette carte-là. Il y a le UFC 109. Bon, les combats sont pas officiels encore. Il y a une possibilité de Silva face à Belfort. Il y aurait également Coleman face à Couture, Serra face à Trades. Alors là, tu vois deux combats des vétérans. Coleman, Couture, deux gars qui sont connus, je pense, dans leurs années en lutte, puis des amis à l'époque. Je pense encore des amis. D'ailleurs, il y a eu collaboration à un certain moment donné entre Extreme Couture puis la Hammer House. Là, les deux devraient s'affronter. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai peur qu'on ait 15 minutes d'accolade. Regarde, j'ai parlé un peu tantôt du combat de Mark Coleman à l'UFC 100 contre Stephen Bonner, où j'étais extrêmement heureux de le voir gagner, mais le combat était d'un ennui total, où ce que Coleman a tout simplement amener Banner au sol et le contrôler. Et on a vu le dernier combat de Randy Couture. Alors, la seule chose qui peut peut-être me donner une idée qu'on va avoir un bon combat, c'est que Randy va peut-être vouloir justement profiter qu'il va être meilleur debout, je pense, que Coleman. Alors, si Randy, lui, décide de garder l'action debout contre Coleman, on pourrait avoir un bon combat où ce que je verrais Randy peut-être mettre un KO à Coleman. Mais sinon, j'ai peur que ça soit beaucoup de grappling, mais sans beaucoup d'action, ou ce que c'est beaucoup de contrôle seulement. Non, ça va être intéressant, ça, parce que, bon, Couture face à Vera, Vera était sur la défensive constamment, mais là, Coleman, Couture, deux excellents lutteurs. Coleman a participé aux Olympiques. Couture, c'est un lutteur, mais gréco-romain surtout, alors c'est pas nécessairement la même lutte. Puis les deux sont orgueilleux, j'imagine, sur leur lutte. Alors, il y en a pas un qui va juste tenter d'éviter les tentatives de mise au sol. Les deux vont être vont être agressifs. Les deux vont se défier avec leur lutte, debout également, et on va s'envoyer des droites et tout ça. Non, je pense que ça peut être intéressant. Sarah face à Trick, ça peut être intéressant si le combat a lieu également dans cette soirée-là. Et le combat également, peut-être le plus intéressant, ce serait un affrontement Nate Marquardt face à Chael Sonnen, puis également Damien Maia qui pourrait être là face à Dan Miller. Oui, juste dire sur Nate Marquardt, je suis un peu déçu de l'adversaire qu'on y choisit. Je vais être honnête que Chael Sonnen, je me rappelle juste de ce que j'ai vu dans l'UFC et j'ai jamais vraiment gardé un grand œil dessus. Mais Marquardt, que je considère vraiment... moi, je l'aurais mis avant Vitor Belfort, personnellement, pour la chance à la ceinture. Je trouve que c'est un adversaire un peu plate pour Nate Marquardt. Oui, effectivement. Sonnen, d'autant plus, Sonnen, il s'est fait planter par Damien Maia, il s'est fait soumettre rapidement. Mais depuis, il est allé chercher une belle victoire. Puis ça prenait quelqu'un pour Marquardt entre-temps. On verra bien ce que ça va donner. Et beaucoup de plaisir en perspective pour les prochains mois. Mais je suis déçu de la période des fêtes. Le UFC nous a pas rien à faire vraiment de majeur pour la période des fêtes. Ça, je trouve ça dommage. Alors, on va être obligé de confier notre temps des fêtes aux Japonais qui vont nous présenter probablement quelque chose de bien comme ils le font habituellement. Ouais, ben ça va être une couple de journées après. Parce que c'est le 2 janvier. Alors, c'est pas... C'est pas si pire que l'UFC 108 et le 2 janvier. Parce que en gros, je pense que c'est ça que ça y est arrivé. Au lieu d'avoir la dernière fin de semaine de décembre, ça a tombé que c'était le 2 janvier. Et l'UFC a choisi cette fin de semaine-là au lieu. Des patins, on veut des patins. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être passer vite sur l'Ultimate Fighter, que je vais tout de suite dire, j'ai pas regardé plus que ça, parce que ça se passait en même temps que le WEC 44. Allez voir la logique, ça appartient les deux à Zuffa, mais ils ont décidé de mettre ça en même temps. Alors, j'ai regardé après ça l'Ultimate Fighter en même temps que j'écrivais mon texte sur le Super Jose Aldo, et je peux vous dire que... Et premièrement, si on passe au combat, Brandon Schwab a gagné contre, j'ai oublié son nom, Madsen, il me semble. Et je me rappelle que j'étais en train d'écrire un texte et que Brandon Schwab était sur le dos et que tout d'un coup, on a levé la main de Brandon Schwab. Alors, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé, je pourrais pas vous le dire. Et d'un point de vue de l'émission, ben on est revenu encore avec Matt Mitrione qui faisait son chialeux. J'ai pas d'autres mots que ça. Là. Il est vraiment tannant. Ça n'est un peu plate à l'entendre toujours. Dana White en a fait un gros speech. Alors, Matt Mitrione qui continue à faire des drôles de scènes. Ça le fait pas bien paraître. Et ça ramène encore l'idée que Kimbo Slice va venir, mais je trouve que c'est un peu ridicule parce qu'on sait pas mal, c'est pas officiel, mais on dirait bien que Kimbo Slice va affronter Houston Alexander. Alors, si Kimbo Slice revient dans l'Ultimate Fighter, c'est pour perdre avant la finale. Alors, je sais pas si Kimbo Slice va revenir. On va voir. Va falloir garder un œil là-dessus. Ouais, ben, j'espère qu'il revient pas, parce que si, en plus, il fallait qu'il revienne dans l'Ultimate Fighter, puis qu'il subisse deux défaites, comme un petit clin. Là, le gars, là, il a vraiment, là, sa valeur marketing, là, il y en a plus, là. Il s'est fait planter en 14 secondes par Seth Petruzzelli. Voyons, comment il s'appelle, le gros Roy Nelson, l'a contrôlé comme un enfant d'école au sol. Puis s'il fallait qu'il revienne dans une émission de télé-réalité, avec, bon, je pense, de l'aveu bien du monde, même si moi, je le regarde pas, là, vraiment, de manière assidue, là, tu sais, des combattants de seconde classe, là, dans cette série-là, c'était cette année, puis qu'il fallait qu'ils se fassent battre deux fois, ben là, pauvre gars, là, qui est Mosnes, il aurait l'air vraiment ridicule. Déjà que ça commence à prôner le ridicule. Ouais. Ken, je pense qu'on fait un petit peu dur, toi puis moi, là. En tant que deux Québécois, là, on n'a même pas encore mentionné, je pense, une seule fois que on dirait bien que Mauricio Rua et Lyoto Machida, ça va être à Montréal. Essaye, ça n'a pas d'allure, comme on est des insignifiants. Oh, mes frères nous ramènent à l'ordre, l'homme nouvel est toujours à la recherche de nouveautés, de petits potins, de ce qui se passe dans le milieu. Puis là, on a été aveuglés parce qu'il se passe tellement de choses. Mais la grosse nouvelle de la semaine, on allait passer aux côtés comme des enfants d'école, mais Fred, déjà quand même, réussit à la dernière minute là, à revenir chercher la nouvelle de la semaine. On aurait Roua contre Machida au Centre Bell. Wow! Oui, le 1er mai prochain, ça serait, selon les rumeurs, ça a commencé sur Yahoo Sports. Ben, c'est un peu plus qu'une rumeur parce que Dana White l'aurait confirmé aux journalistes de Yahoo Sports. Alors, le prochain UFC à Montréal, ça serait le 1er mai prochain. Et ça va être le fun. J'ai hâte de voir ça. Le Rua Machida, moi, je suis bien heureux qu'on aille ça à Montréal. Si c'est ça, finalement, le combat. La seule chose, en même temps que... Vu qu'on a ce combat-là, ça va peut-être mettre un frein sur Georges St-Pierre à Montréal. Qu'est-ce que tu parlais plus tôt? Parce que si Georges St-Pierre combat au mois de février, comme contre Dan Hardy ou Josh Koscheck, je pense que ça va retarder. Pas ça va retarder, mais l'UFC mettra pas deux championnats dans une carte à Montréal. C'est plate à dire, mais l'UFC nous fera pas ce bonbon-là. Le dommage, parce que Montréal, si je pense, honnêtement, là, c'est l'endroit où ils font le plus d'argent, mis à part les gros événements à Las Vegas à l'occasion, parce que là, on va chercher moins de monde dans leur salle, mais quand même, les gens déplient comme des malades. Mais au Centre Ouais. Bell, c'est 20 000 et plus, puis on va chercher un peu plus que 5 millions, ou je pense que la dernière fois, c'est 4,9 millions, ce qui est pas mal là où on va chercher le plus d'argent. Ouais, je suis d'accord sur un point de vue Arena, mais je pense que c'est pas vraiment l'important pour l'UFC parce que faut calculer les frais de déplacement premièrement, de tout déplacer ce monde-là jusqu'à Montréal et aussi les revenus au guichet, c'est vraiment pas important tellement, moi je pense pour l'UFC. Je pense que la primordiale source de revenus, c'est les pay-per-view. À 50 $ le pay-per-view, ils en vendent toujours dans les 300, 400 000 minimum. Des fois, ils dépassent le million. Alors, c'est là qu'elle est la grosse source de revenus. Et honnêtement, je ne sais pas si les pay-per-view Anderson Silva, tout ça, ont réussi à Anderson Silva contre Talis Latest. J'ai pas les chiffres devant moi, mais ça n'a pas dû être les plus vendeurs qu'il y a. Alors, d'un point de vue, oui, amphithéâtre, Montréal est amateur, l'ambiance est incroyable aux deux galas que j'ai été. On mérite là des galas, on n'en peut finir, ça c'est officiel, mais malheureusement, je pense pas que c'est comme ça que l'UFC prend sa décision. Et bateau de bateau. Je pense qu'on pourrait remplir le stade olympique, là. Pas de niaisage, puis on y va la grosse affaire. Oui, avec... Disons, tu sais, peut-être pas à 100%, mais avec une configuration intéressante, il pourrait facilement avoir 35 000, je dirais personne, là. Parce que y a tellement de visiteurs qui viennent des États-Unis et du reste du Canada aussi Oh pour les non! UFC. Ça se remplirait assez vite si les prix des billets seraient intéressants et des combats intéressants. Justement, donnez-nous deux championnats sur une carte de même, puis on remplit le stade olympique assez vite. On remplit à pleine capacité, là, 50 000 et plus, pas de problème. Puis moi, je verrai ça sur les plaines d'Abraham, éventuellement, à Québec. C'est là où ça se passe, à Québec. Pourquoi pas l'anglais face au français. Georges St-Pierre qui sac une volée à Michael Bisping. Yes, sir. Puis après ça, on fait jouer God Save the Queen des Sex Pistols. De toutes les beautés, là. Fantasme. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est intéressant parce que le sujet, je pense, qui a tiré le plus de commentaires sur le site, sur ton site, fredmmnouvelle.com, ça a été pas mal le combat Rua-Machida. Alors qu'on a le droit là à la revanche des deux, où Machida, je pense, là, va être motivé à fond. Rua va être confiant comme ça fait longtemps qu'il l'a pas été. Wow, ça va être quelque chose. Crime, ça s'avère. Confirmé, signé trois copies, là, maudit, on va être chanceux au Québec, puis est-ce que tu vas être au Centre Bell? M'a dit que oui, je pense bien y aller. J'ai été aux deux premiers galas. Je vais garder un œil, bien sûr, sur le prix des billets, qui sont toujours chers à l'UFC. Écoutez, je suis pas riche, là. Va falloir que l'UFC fasse de quoi là, pour moi parce que les prix des billets sont assez hauts, je trouve, à chaque fois. Oui, mais moi j'aime ça, regarder ça confortablement, assis chez moi également, là, c'est intéressant. Mais c'est un bel événement, puis j'ai hâte que tout ça là prenne de plus en plus forme, puis voir quels seront les autres combats peut-être qu'on va voir avec ça. Intéressant, ben je pense que le UFC nous doit bien ça, parce que le dernier combat final qu'ils nous ont présenté, Silver Lettes, ça a probablement été le pire combat principal depuis bien des années. Oui, et si on continuait peut-être aussi avec Patrick Côté, on a-tu parlé que Patrick Côté il mettait au défi Michael Bisping? Côté le prédateur, Pat le prédateur côté se cherche une proie. Puis là, je pense qu'il s'enlignerait peut-être face à Michael Bisping. Alors lui qui s'est absenté depuis quoi? Octobre 88, quelque chose comme ça. Pat Côté, Ah, suite à sa blessure. 2008. Parce que Ouais. 88, ça fait bien des années. J'ai dit Je 88. pense que c'est ça que tu Les années passent vite, Fred. Non, non, ouais, 2008, effectivement, ça a un peu plus de sens, là. Suite à sa blessure dans le combat face à Anderson Silva, ben, il voudrait revenir face à Michael Bisping. Bisping qui sort d'une belle victoire face à Dennis Kang. Est-ce que Côté serait en mesure de venger le compatriote Dennis Kang? Tant qu'à toi, Ouais, Fred, ben. as-tu une opinion? Moi, je vais commencer par dire, là, regarde, il me semble, là, c'est sûr que ça se vendrait bien au Québec, puis en Angleterre, là, mais tu mets sur la même carte Dan Hardy contre GSP, puis Patrick Côté contre Michael Bisping, là, c'est un petit Canada, Québec contre l'Angleterre, alors ça donne une petite saveur au gala. Mais moi, je pense que Patrick Côté, sauf, c'est peut-être un adversaire un peu difficile. Moi, là, je suis pas l'amateur de Michael Bisping, je l'ai souvent dit, mais à son dernier combat, Bisping a très bien paru, très bien fort, a été intelligent, agressif quand il fallait. Alors, Patrick Côté qui revient d'une grosse blessure à un genou, puis tu me disais que toi, tu as subi une opération similaire, là, c'est vraiment une grosse opération au genou. Ça me fait peur un peu comme combattant. Moi, je parlais plus d'un niveau d'un Chris Leben ou de quoi de même là, il y a une couple de semaines. Michael Bisping, c'est un niveau plus haut, je pense, ça. Mais c'est un combat que je voudrais voir, c'est officiel. Ouais, côté a faim, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, puis il veut pas perdre son temps, il va tout de suite combattre quelqu'un de haut niveau, puis on va voir ce qui va se passer. De toute manière, c'est pas lui qui va décider ça. C'est au deuxième étage là, du UFC, Dana White et je pense c'est Joe Silva, le matchmaker. Alors, c'est sur cette gang-là qui va en décider. J'ai bien hâte de voir ce qui va devenir de Pat Côté. Jonathan Goulet, le Québécois également, qui a encore un contrat, mais là, il y a eu des blessures. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va devenir également dans son corps. Alors, plusieurs Québécois qui sont inactifs pour l'instant, mais qui vont reprendre le chemin de l'octogone, là, incessamment, puisque, à un moment donné, les blessures, vont les épargner. Oui, alors ben de l'action à venir dans les prochaines semaines. Ça fait pas mal le tour de toutes les nouvelles, mon Ken. Je sais pas si tu avais d'autres choses à mentionner, toi. Non, avant de finir, ben, j'invite tout le monde à participer au jeu de paris virtuel. Alors là, où vous allez avoir beaucoup de plaisir. Il y a deux combats là, déjà pour la prochaine carte qui sont que vous pouvez aller miser vos crédits. Il s'agit de John Jones face à Matt Hamill, Frankie Edgar face à Matt Veitch. On félicite le nouveau meneur qui est Guillaume, qui a pris la tête du classement. Et moi qui ne figure plus dans le top 10, mais quand même, il y a une stabilité dans mon cas. Puis, je fais juste essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis l'année 2010 va être très fructueuse dans mon cas. Ça semble évident, je pense. Il y a également le jeu de questionnaire, également, à laquelle on vous invite à aller participer pour tester vos connaissances sur le MMA. Vous allez sur le forum qui est sur le MMAnouvelle.com. Puis ensuite, le quiz. Et là, beaucoup de plaisir à y avoir. Et il y a deux nouveaux quiz qui sont sortis, dont un sur la WEC, où j'en ai arraché terriblement, malheureusement. Beaucoup de regrets là-dessus. Il y a également le Temple de la Renommée, là, on s'en vient, là, soyez patients pour 2010. On a plein de choses, on travaille sur plein de choses, puis on a toujours besoin de vos suggestions et opinions. On le fait par commentaire suite à notre émission, ou également radio à commercial, MMAnouvelles.com. Fred? Ouais, ben on va finir avec une de mes super pensées sociales en disant que jouer à mon jeu de paris virtuel puis aller perdre vos crédits pour vous prouver qu'il faut pas que l'Auto-Québec nous légalise ça, le pari en ligne, ça serait juste un petit peu ridicule. Ah ben, moi je pense que c'est aux gens à se prendre en main, puis le gouvernement, je pense, on n'en a pas besoin tant que ça. Moi, j'estime que moins le gouvernement s'initie dans nos vies, plus on va être en mesure de se prendre en main éventuellement. Parce que là, il me semble qu'on est tous des humains, là, au Québec notamment, là, puis on demande des règlements, tout le temps plus des règlements. À un moment donné, je pense que c'est à chaque individu de se prendre en main, mais la Oui, non, moi c'est plus l'aspect que le gouvernement veut juste venir prendre sa part du gâteau comme une belle mafia. Ah, ok, là je comprends pas. Ok, honnêtement, ah ben oui, hein, qu'est-ce que tu veux? Quand il y a de l'argent à faire, le gouvernement, hein, qu'est-ce que tu... Bon, on est comme ça, puis je pense que ça va être comme ça un peu partout dans le monde. Ce sera un autre sujet. Mais la semaine prochaine, on va vous parler de quoi la semaine prochaine? De la semaine prochaine, on va vous parler de plein de sujets, probablement. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de cartes à vous présenter. Ça sera certainement le cas la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Il y a Ultimate Fighter qui s'en vient, dont on a déjà mentionné. Puis il y a le gros tournoi de K1 au Japon, là, le K1 Grand Prix. J'ai bien hâte de voir ça. Il y a Jérôme Labanère qui va être là. Probablement l'une de ses dernières chances, si c'est pas sa dernière chance. Alors, tout ça à suivre dans la prochaine édition de La Voix des Guerriers. D'ici là, passez du bon temps. Au revoir tout le monde. Salut Fred.